Bonjour et bienvenue à présent à un enregistrement qui est fait en date du 2 février de l'année 2023. Donc ici, David au micro que vous entendez et vous pouvez voir simultanément Berthold à l'écran. Donc salut Berthold, ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Donc ce soir, dans le cadre de cet enregistrement, étant donné que ça fait près d'un an que se déroule la guerre en Ukraine, qui avait commencé au mois de février de l'année 2022, eh bien, je voulais aborder ta vision par rapport à la notion de programmation individuelle et collective, dans le sens que depuis environ un an, il s'est déroulé dans le cadre de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine de nombreux crimes. Et puis, que ce soit des crimes extrêmement lourds, là, des gens qui ont été tués, blessés, torturés. On dit que des femmes ukrainiennes auraient été violées par des soldats russes, des gens séquestrés, des gens expatriés. On parle d'un peu plus de 6 millions de personnes réfugiées là, en provenance de l'Ukraine qui ont été dans différents pays, dont celui du Canada où nous nous trouvons. Eh bien, tous ces crimes-là qui se sont déroulés depuis environ un an m'amènent à poser la question de la programmation individuelle et collective, qui est un sujet que tu as abordé là, à plusieurs reprises au fil de tes enregistrements, donc la notion de programmation. Mais je voulais attirer ton attention plus particulièrement sur la notion de programmation karmique. En ce sens, est-ce que des individus ou une collectivité à travers une guerre, va expier une forme de karma, une forme de mémoire involutive liée à des fautes commises dans le passé, ce que les religieux appelleraient la notion de péché. Donc, quand on regarde par rapport à des crimes, j'ai fait allusion à la guerre en Ukraine, mais on aurait pu parler aussi de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale, où se déroulent des crimes sordides, comme par exemple des civils qui sont tués, des gens violés, et ainsi de suite. Est-ce que tout ça, c'est en relation avec un agenda occulte qui impliquerait le karma ou, au contraire, le karma n'est tout simplement qu'une forme d'étiquette qui serait utilisée par certains pour rationaliser la souffrance et la garder à distance de soi? Donc, une forme d'étiquette pour donner une certaine forme de sens à la souffrance, mais en réalité, en tant que tel, le karma n'existerait pas. Ce serait tout simplement le fruit de la subjectivité humaine qui cherche à justifier certaines choses. Donc, pour y voir un petit peu plus clair, c'est sûr que j'aimerais ça, entre autres, dans le cadre de l'entretien d'aujourd'hui, explorer cette notion-là avec toi. Mais juste avant, je voulais mentionner aux gens qui nous écoutent présentement que Berthold est un YouTuber extrêmement prolifique, depuis les derniers mois, parce que tu réalises régulièrement des capsules audio en solo et également aussi des vidéos live devant public, habituellement lors du samedi matin, heure du Québec. Donc, t'en fais beaucoup hein, depuis les derniers mois. Oui, mais là, je n'ai pas fait dernièrement. Là. Samedi passé, puis c'est tout, je pense. Oui, mais quand même, depuis plusieurs mois, habituellement, là, chaque samedi, tu vas produire un enregistrement où tu vas prendre les questions, les commentaires aussi du public. Oui. Donc, je vais mettre les coordonnées, là, naturellement, de ta chaîne YouTube en bas de l'enregistrement présent. Et aussi, je tiens à mentionner que depuis le début de l'année 2023, eh bien, le site web Diffusion Berthold, feudelaparole.wordpress.com est accessible. Donc, c'est Issia Perrin, que je salue si elle nous écoute, qui a pris l'initiative de mettre en place ce site web où vous allez pouvoir y retrouver de nombreuses transcriptions par rapport à des enregistrements que tu as fait en solo au fil du temps, depuis entre autres de l'année 2017. Il y a également des enregistrements que tu as produits devant public qui ont été transcrits et aussi des entrevues qu'on a fait ensemble qui ont donné place entre autres à deux livres qui ont été rédigés là, par Issia, en fait, qui est le fruit de transcriptions d'entretien. Donc, tout ce matériel-là va être disponible sur ce site web, que je trouve c'est une extrêmement belle initiative de sa part, là, quand même, parce que ça représente de nombreuses heures de travail. Donc, naturellement, vous allez avoir les coordonnées là, par rapport au site web là, en bas de l'enregistrement qui a été fait en soutien à tes activités de diffusion web. Donc, je pense que ça te donne une très belle visibilité. Ben oui. Sinon, en fait, de mon côté, au fil des ans, j'ai mis en place une audiothèque là, en lien avec tes enregistrements. Donc, en date d'aujourd'hui, il y a au-dessus de 625 enregistrements ils sont entreposés sur archive.org en format MP3. Donc, vous en avez pour plusieurs heures. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui viennent de te découvrir. Et sinon, naturellement, sur ma chaîne YouTube de David Lève, vous pouvez y retrouver plusieurs centaines d'enregistrements. Donc, c'est sûr que vous en avez aussi là pour plusieurs heures. Donc, c'est sûr que si vous appréciez mes activités de diffusion web, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Vous allez avoir des informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Étant donné que je ne suis pas financé par les médias de masse, ce qui me permet d'avoir une forme d'indépendance sur le plan de ma parole, n'étant pas soumis à un narratif officiel. Donc, à ce moment-là, ben, c'est sûr que j'ai une forme de liberté que vous ne retrouverez pas naturellement là, dans certains médias s'adressant au grand public. Par contre, en contrepartie, eh bien, j'invite les gens à me soutenir dans mon initiative de diffusion web que je fais d'ailleurs depuis plusieurs années à travers de nombreuses entrevues avec des invités, dont toi, là, naturellement. Donc, ces annonces étant faites, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet que je voulais aborder avec toi, qui vise entre autres à démystifier les notions de programmation individuelle et collective, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui, en observant qu'est-ce qui se passe depuis le début de la guerre en Ukraine, toutes les atrocités, les crimes qui ont été commis, des gens qui ont été tués suite à des bombardements, des gens qui affirme avoir été violé, et ainsi de suite. Donc, quel regard poses-tu par rapport à la notion, entre autres, de karma qui peut être utilisée pour tenter d'expliquer la nature des crimes de guerre qui ont cours? Pas vraiment. Le karma, je le vois comme une loi de conséquence. Mais là, quand la notion spirituelle, comme on la connaît, ça, je m'en occupe pas, là. Mais bon, parce que sinon, on finit par se rendre compte qu'au niveau de l'histoire, ça fonctionne pas. Je veux dire, regarde ce qui se passe en ce moment avec l'Ukraine. Bon, ben, l'Europe de l'Est, ça a tout le temps été juste l'histoire de la Pologne, ces pays-là. Si c'était lié tant que ça à des notions de karma aujourd'hui, ben, ça irait mieux par là que ça. Dans le Mais fond. je vais le prendre autrement. Je vais le prendre en lien avec la notion de programmation individuelle. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question en regardant des images de bombardement. À un moment donné, j'avais vu un édifice, donc une tour d'habitation, où il y a eu un logement qui a été touché par un missile. Donc, probablement que les gens qui se trouvaient là ont été tués. Mais pourquoi que le missile est atterri là plutôt que chez, par exemple, leurs voisins? Donc, pourquoi que certaines personnes vont être touchées par des bombardements, d'autres non? C'est juste une question d'angle. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils se sont mis à servir de la cybernétique pour calculer l'angle des ogives puis de l'artillerie, ces choses-là. C'est juste une question d'angle. C'est lié aux opérations, c'est technique. Mais je vois pas de notion de justice là-dedans, là, ou de morale. C'est technique. Mais s'il est atterri là parce que l'angle était comme ça. Oui, mais en même temps, je veux t'amener dans une dimension un peu plus occulte, dans le sens que certains vont dire que la réalité est en réalité le résultat de multiples interactions et que des programmations et que, à quelque part, il y a une forme de synchronicité universelle qui s'opère. Donc, qu'il n'y aurait pas nécessairement de hasard, dans le sens que si, par exemple, quelqu'un va se faire tuer à un moment donné et un autre non, ou c'est un petit peu comme, par exemple, les attentats du 11 septembre, il y en a qui ont eu l'idée de ce jour-là, il y a eu des circonstances qui ont fait en sorte qu'ils n'ont pas pris l'avion, puis il y en a d'autres qui ont pris l'avion, puis sont morts. Donc, qu'est-ce qui fait, par exemple, quelqu'un qui n'aura pas peut-être l'idée de rentrer chez lui, puis à ce moment-là, il évite le bombardement, le lien missile, tandis que l'autre, il n'a pas cette idée-là en tête. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, donc est-ce qu'il y a certaines personnes qui, pour des raisons occultes, seraient prévenues à travers le truchement de la pensée ou dirigées, orientées pour éviter certaines attaques? Ben, c'est une question de sensibilité puis d'intuition. Mais là, ça devient très personnel, au fond. C'est là que ça devient individuel. Mais l'événement, lui, est collectif. Mais ce qui fait que certains, ils le subissent ou pas, ça, c'est individuel. Dans le fond, là, mais on cherche à moraliser, on cherche à, je veux dire, on rationalise les événements. Mais au fond, il n'y a pas de hasard dans le sens qu'il y a une mécanique. Mais là, de là à dire, ben, c'est un agenda occulte, là, ça commence à devenir un peu comme fumeux, là. Mais en même temps, tu as souvent parlé de notions qui avaient été abordées par Bernard de Montréal, dont celle à l'effet que la pensée vient d'ailleurs. Donc, si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, à mon avis, ça peut faire la différence entre quelqu'un qui va rester en vie ou qui va mourir suite à une attaque de missile ou autre. Si on pense entre autres le cas d'un cycliste en Ukraine qui avait été reporté dans les médias. Donc, il a été au mauvais endroit, au mauvais moment, ce qui a fait qu'il a été tué par l'armée russe. Peut-être que les Russes, quand ils l'ont vu dans la rue, ils ont interprété que c'était quelqu'un qui travaillait pour les forces ukrainiennes en vue de localiser leur position ou peu importe, mais ils l'ont tué. Mais si ce gars-là aurait reçu la pensée via l'esprit de ne pas être là ou avoir une intuition de rester chez lui, peut-être que cette personne serait encore en vie aujourd'hui. Ben là, c'est parce que ça devient. Il y a tout le temps des détails qu'on n'a pas. Donc, peut-être que les Ukrainiens avaient besoin à tout prix de. Bon, ils voulaient avoir des justificatifs de civils qui se font tuer. Qu'est-ce qui nous dit que c'est les Russes? Je le Ben, sais pas, les moi, j'étais pas médias, là. non, moi non plus, je n'étais pas là, exact. Si on y va, c'est sûr, là, je présente la version des faits qui nous ont été présentés là, à travers les médias de masse occidentaux. Naturellement, ce que je dois dire, c'est qu'il y a un parti pris en faveur des Ukrainiens. Donc, on va avoir tendance à interpréter les faits d'une manière polarisée en relation avec un agenda politique pro-ukrainien. Mais si on part du principe qu'à quelque part, un être humain se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, que ce soit un piéton, un cycliste ou même quelqu'un qui est chez lui et se fait attaquer par un missile ou un coup de feu et meurt, comment on peut regarder ça au niveau occulte, dans le sens, est-ce que, à quelque part, le plan éthérique n'a pas avisé la personne, n'a pas donné l'idée d'aller ailleurs à ce moment-là, faire du Ben là, vélo ailleurs puis d'être encore en vie? c'est pas le plan éthérique dans le sens que la personne, si elle n'est pas réceptive, elle ne le sent pas. C'est parce que là, c'est de la programmation, fait que là, c'est pas de l'éthérique, ça, c'est du systémique. L'esprit, il peut pas aller, il peut pas te donner de l'information que tu n'as pas la capacité d'être réceptif. Ça, dans le sens que ça ne marchera pas. Mais les gens, souvent, ils savent. Ils le savent, mais ils n'en tiennent pas compte. Puis c'est à la dernière seconde qu'ils réalisent. Mais là, il est trop tard. C'est comme un kamikaze qui se fait sauter. Bon, ben, la seconde qui pèse sur son dispositif, Puis après, à partir du moment où ce qui est pesé dessus, ben là, il réalise. Mais ben là, il y a même pas une fraction de seconde. C'est déjà fini. Donc, il réalise trop tard. Ben oui, c'est tout le temps une question de délai. Donc, Mais l'occulte de ça, c'est ce qui est caché dans le sens de ce qu'on n'est pas réceptif, de ce qu'on voit pas. Pas dans le sens de l'occulte d'un agenda, là. en même temps, moi, j'ai l'impression qu'il y a un agenda, dans le sens que si on part de la prémisse que la pensée vient d'ailleurs, ça veut dire que la pensée n'origine pas du cerveau humain. Et à quelque part, on est réceptacle d'une pensée, un peu comme une radio qui capte des ondes. Or, si on capte une pensée plutôt qu'une autre, on est orienté dans une direction. Ben oui, mais ça dépend si toi tu syntonises le mauvais poste. C'est ton aspect réceptif qui joue. Oui, mais en même temps, on peut être manipulé par des événements en vue de devenir plus ou moins réceptif à certaines ondes. Oui, mais même là, ça c'est mécanique. Je vois de la mécanicité là-dedans. Mais là, c'est de la programmation. Fait que c'est systémique, ça. C'est pas l'éthérique. L'éthérique, il peut pas se rendre ou il peut pas. Non, je comprends. Si la radio n'est pas configurée pour être capable de capter certaines ondes parce que l'émetteur est trop lointain pour la radio ou n'est pas assez sensible, elle ne les captera pas si on fait le parallèle avec la radio. Sauf que le point que je voulais faire, c'est que dans le cadre d'une situation de guerre, d'être capable d'intercepter ou non un signal, ça peut être vital, dans le sens que ça peut faire la distinction entre être exposé à l'explosion d'un missile ou non. Ben oui, mais c'est ça, là. C'est est-ce que le contexte, est-ce que le milieu va être favorable au développement de cette sensibilité-là ou pas? C'est ça qui joue. La pensée vient d'ailleurs, oui, dans le sens, elle est plus subtile que le réceptacle. Mais ça veut pas dire que. Oui, mais je veux dire, c'est que la personne peut être orientée par la pensée. Si, par exemple, la personne elle a la pensée, par exemple, lors de quelques heures avant qu'il y ait les attentats du 11 septembre, ah, non, c'est dans le fond de ne pas prendre l'avion, puis la personne suit cette pensée-là, ben ça peut faire en sorte qu'elle ne vivra pas l'attentat terroriste qui l'a ramené à connaître la mort là, dans Oui. l'avion là, qui aurait explosé. Mais ça, c'est pas parce qu'il y a des forces qui décident de la prévenir, c'est parce si elle est réceptive ou pas. C'est une question de sensibilité. Donc là, on met sur le dos de. On en met pas mal sur le dos de l'invisible. On se déresponsabilise, là. Ben, c'est sûr que la notion de karma peut être déresponsabilisante parce qu'on peut dire, ben, bon, il y a des gens qui vivent des situations de crimes de guerre, viol, torture, séquestration, des enfants victimes d'agressions sexuelles, puis tout ça. Ah, mais ça fait partie de leur karma parce qu'ils ont été méchants dans des vies antérieures pour C'est tellement rééquilibrer stupide. l'énergie. C'est tellement stupide, ça. La notion, là, le karmique, spirituel, là, c'est anti-créatif, c'est anti-responsabilité, puis c'est anti-individu. Puis c'est pas intelligent. Moi, je trouve pas ça intelligent. Mais il n'y a pas de l'intelligence qui ait un rééquilibrage énergétique dans le sens que si quelqu'un dans le passé présent ou même dans un passé au-delà de son ego en relation avec du mémoriel karmique, qui a une forme d'équilibrage énergétique dans le sens que si quelqu'un dans un passé a déjà violé et la personne se réincarne dans un contexte où elle se fait violer pour connaître Ben oui, l'impact mais que... l'ego, il n'est pas responsable de ce qui est de là, un autre ego qui est mort. C'est n'importe quoi, là. C'est ça de Puis la son âme. spiritualité. C'est de la OK, spiritualité, ça c'est au ça. niveau de l'ego, mais au niveau de Comment l'âme. l'âme peut être coupable, puis là, il s'opère un transfert de responsabilité sur un ego qui n'a rien fait? C'est ça de la spiritualité, là. C'est pas réel, là. Dans le sens, ça nous sert à rationaliser puis à justifier. L'ajustement énergétique, là, il est, si tu es inconscient, tu vas souffrir. C'est ça, l'ajustement. Il est là, le vrai karmique, en tant que loi de conséquence. Dans le sens que si tu élèves tes enfants qui sont coupés de leur sensibilité, ben, quand ça va être le temps intuitivement d'être prévenu qu'il faut qu'ils se tassent dans le chemin, ils ne se tasseront pas.

Mais là, c'est pas avec un ego incarné qu'on a accès à ça, mais ça va aller selon son appointement, ça va suivre des lois, ça suit des. Mais en même temps, l'ego incarné qui vit le processus de la fusion avec l'esprit, qui connaît une mutation de sa conscience, ben à ce moment-là, si sa conscience devient plus vaste, qu'est-ce qu'elle devient altérée psychiquement pour être en mesure de capter sur le plan énergétique certaines lois vibratoires, ne pourrait-elle pas aller plus loin que la conscience subjective et réflexive pour être capable d'avoir une vision qui est capable de prendre en considération davantage la multidimensionnalité du réel? Oui, mais ça, c'est en matière que ça va se faire. La J'ai fusion, jamais entendu parler, ben oui, mais ce les que je gens veux ne dire, c'est fusionnent que. pas avec l'esprit en dehors de la Non, matière. c'est ça, mais je veux dire que grâce à la fusion, la possibilité que des individus, en tant qu'égo, mais en contact avec l'esprit, puissent mieux comprendre le phénomène de l'incarnation et le parler là, à travers des enregistrements, entre autres. Ben, l'affaire, c'est surtout le mieux. Mieux le comment c'est au niveau de l'expérimental, c'est encore plus important que le parler là. Dans le sens le monde en Ukraine qui reste là tu sais, je veux dire faire un parallèle avec ça là. Bon ben s'il y avait un contact avec l'esprit il y a des bonnes chances qu'il reste pas là, Un peu. même ils vont partir avant que la guerre éclate. Ben, c'est ça. S'ils sont mis en vibration par l'esprit pour quitter, par contre, ça se peut aussi qu'à quelque part, pour développer davantage de volonté, ben, de rester dans un lieu de guerre, ça Ben là, le amène. contact est moins fort d'abord. Mais je vais apporter des nuances à ton propos dans le sens que. C'est possible que quelqu'un, par exemple, qui reste à un lieu où il y a une guerre, des bombardements, développe une plus grande capacité à composer avec l'adversité. Si il est là dans l'adversité, ça veut dire qu'il manque de sensibilité. Donc, il faut qu'il développe par intégration, par de la souffrance expérimentale. Mais si ça, c'est fait, c'est là la sensibilité, il va pas rester là. La personne, pourquoi que le monde, il subisse de la souffrance expérimentale de même? C'est parce qu'ils sont insensibles puis qu'il faut qu'ils développent de la sensibilité des fois. Là, ils vont se mettre le pied dans le trou. Mais là, donc, à ce moment-là, la notion de karma rentre en considération dans le sens qu'ils doivent développer de la sensibilité, donc une programmation à caractère karmique pour les ajuster. La seule affaire, c'est que le karma, c'est juste des. Ben à mes yeux, là, c'est juste des lois de conséquence, si on ne le spiritualise pas. Mais il reste que. C'est des affaires de. Si je vois ça comme mécanique, je vois ça comme mécanique, pas morale. Dans le sens, pas parce qu'il faut que, c'est parce que c'est comme ça. Dans le sens, c'est vraiment une affaire d'inconscience. S'il faut que tu développes de la conscience, ben tu vas être inconscient, donc tu restes là. C'est aussi simple que ça, là. Puis là, au niveau de l'expérimental, là, ça passe aussi à la casse. C'est-à-dire, soit la personne, elle l'intègre pendant le mouvement en temps réel, soit elle va mourir. Mais quelqu'un qui a déjà intégré une certaine sensibilité, il va s'en aller avant. Que ça Il n'aura pas arrive. besoin de. Oui, ben ça me fait Ben oui. penser, entre autres, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que quand les nazis avaient commencé à persécuter les juifs, eh bien, il y a des juifs qui sont partis pour immigrer aux États-Unis, dont notamment New York, alors qu'il y en a d'autres qui ont resté là parce qu'ils étaient attachés à la culture allemande et finalement, ben, ils ont fini dans des camps de concentration éliminés. Ben, c'est là qu'on voit que ceux qui étaient dans la pensée positive puis l'optimiste, c'est en danger, c'est de l'inconscience. C'est sûr que la personne qui pensait naïvement, oh, ça va rentrer dans l'ordre ou oh, ça finira pas mal, puis il va être tassé Hitler, mais finalement, malheureusement, il n'a pas été tassé assez rapidement pour plusieurs personnes, puis il y a eu des millions de morts là, dans des camps d'extermination là, qu'il a mis en On place. nous ressort tout le temps les mêmes chiffres magiques, comme là, tu me disais qu'il y avait. Combien de déportés ukrainiens Un peu qui plus ont été de obligés de. 7 millions. C'est tout le temps un petit peu dans les mêmes. Excuse-moi, Là, c'était ça, 6 c'est. millions 7 que j'avais vu là, récemment, Ouais. mais c'est dans les mêmes eaux que 6 millions de Juifs qu'on Puis dit qui je ont été crois pas exterminés. ça. Puis je crois pas ça qu'il y a 6 millions d'Ukrainiens qui. De toute façon, Le gouvernement ukrainien va faire pression pour que les hommes en âge de se battre viennent mourir en Ukraine, dans une guerre perdue d'avance d'ailleurs. Le bourreau du peuple ukrainien, c'est lui, là. Mais ça, je l'avais dit dès le début, quand ça a éclaté, j'ai dit, ils vont demander de l'armement, puis ils vont étirer ça le plus longtemps possible. Puis Oui, les pays occidentaux vont étirer ça, puis étirer ça. Puis la victime là-dedans, ça va être le peuple ukrainien, là. ben, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, je tiens à leur mentionner, c'est des gens qui ont découvert récemment notre chaîne YouTube, que l'année passée, lors du printemps de l'année 2022, j'avais fait avec toi un enregistrement qui s'intitulait Vers la Troisième Guerre mondiale, point d'interrogation. Où on abordait la question de la guerre en Ukraine qui commençait. Et puis, toi, tu as dit, ben, regarde, ça va s'étirer, il va y avoir plein de massacres, etc. C'est comme de la perte d'énergie. Puis, ce que je te dirais de qu'est-ce qui se déroule, puis où on en est aujourd'hui, près d'un an après, ben, on s'enligne vers ça, une forme d'enlisement. Ben oui, puis c'était voulu comme ça. Là, les gens sont dans la polarité. Il y a les pro-Zelensky, puis il y a les pro-Russes. Mais ils ne voient pas que c'est un théâtre, dans le sens que le but, je veux dire, c'est que tu sois d'un bord ou de l'autre, tu es dans l'erreur. Dans le sens que, oui, le but de cette guerre-là, c'est juste de créer des crises qui vont servir de prétexte, puis Poutine est complice autant que Zelensky, tant qu'à moi, je veux dire, ces gens-là, c'est du théâtre, les deux, là. Ben oui, ben, ils peuvent être comparés les deux comme des marionnettes qui sont manipulées par les ficelles des mondialistes et des grands argentiers, donc des Ben. gens qui vont régner dans l'occulte en tirant profit, entre autres, de la guerre pour vendre des armes. On a appris récemment là, que les États-Unis allaient fournir des chars d'assaut Abraham et que les Russes des chars d'assaut Léopard à l'Ukraine, donc de Les l'arme, Allemands, je les Allemands, pense. Il pardon. me semble voir les Russes fournir des chars. Non, non, Ouais, t'as raison, les Allemands. ben oui, puis ils vont finir par fournir, Ben, je veux dire, c'est justement là ce que matériel-là. j'allais en venir, c'est que il y a une escalade qui se fait. Donc, au début, c'était des armes défensives comme des batteries antimissiles Patriot américaines. Ensuite, là, on est rendu au stade où les pays alliés de l'Ukraine fournissent des chars d'assaut. Là, l'Ukraine demande des sous-marins, demande aussi des avions de chasse. Et là, j'ai appris aujourd'hui, en date du 2 février de l'année 2023, que les Américains vont fournir des missiles longue portée à l'Ukraine, donc qui peuvent parcourir jusqu'à 150 km de distance, ce qui ferait en sorte que les Ukrainiens auraient des missiles qui pourraient envoyer carrément là, en territoire russe. Moi, mais c'est à condition qu'il ne le fasse pas, mais d'un autre côté, où tu veux qu'il envoie ça? Ben, Si les Russes ils prennent une ville ukrainienne, les Ukrainiens vont envoyer des missiles dans. L'Ukraine va être complètement détruite. Ben, complètement, là. Puis le but, c'est pour. Puis regarde, le stock qu'ils donnent à l'Ukraine, c'est du vieux stock. Puis là, ils sont en train de faire des contrats pour renouveler. C'est des US qui le donnent. Ils ont des affaires de nouvelle génération, là. Donc, on va vider le vieux stock, comme on met ça en solde pour le donner à Zelensky, comme genre quand un magasin, il faut qu'il reçoive son nouveau stock, là, il veut se débarrasser de sa marchandise. Oui, Il le met en qui est spécial. périmé, passé date, C'est pour ça. ensuite aller chercher du matériel neuf et tout ça, naturellement, aux frais des contribuables. Donc, des gens, que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis, qui, à coût de milliards, subventionnent l'industrie militaire. Et les gens qui font le roulement de marchandises, ben c'est sûr que s'ils sont l'influence du lobby de l'armement, parce que des intérêts quand même de milliards, là, tu sais, que ce soit les chars d'assaut, les avions, ça coûte des fortunes, mais ben, ils ont tout intérêt à quelque part, tu sais, faut que leur entreprise prenne leur envol qui est de la production. Tu sais, si on donne des chars d'assaut, ben il va falloir qu'ils en produisent d'autres. Fait qu'eux autres, leur valeur, peut-être leur titre boursier par rapport à des compagnies d'armement va augmenter. Moi, ben là, c'est parce que ça va durer un petit bout de temps que oui, là. Mais à un moment donné, bon, ça va se réessouffler. L'affaire, c'est que, bon, la Troisième Guerre mondiale, on est dedans, ça fait un bout de temps. On est vraiment dedans. Ben, moi, je me sens Bien, à première peu des choses, près quand j'ai dit. comment définirais-tu la Troisième Guerre mondiale? Ben, c'est juste que, ben, on le voit, je veux dire. Regarde, là, toute l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, ils envoient de l'argent à l'Ukraine pour se battre contre la Russie. C'est pas mondial, ça? On n'est pas en guerre. Non. On est tout simplement des supporters de l'Ukraine qui donnent de l'aide logistique pour les armes et ainsi de suite, mais on n'est pas officiellement en guerre parce qu'on n'attaque pas directement la Russie. Ben moi, officiel, pas officiel, c'est pas ça qui fait qu'on est en guerre ou pas. Ben, implicitement, on l'est, je suis d'accord avec toi, mais je joue un Ben peu le oui. rôle de l'avocat du diable, un peu comme la Russie qui va dire, on fait une opération militaire spéciale en Ukraine, on fait pas la guerre. Ben, c'est sûr que je veux dire, oui, puis tout le monde prend parti, il n'y a plus de neutralité. Même des pays qui étaient traditionnellement neutres, comme la Suisse, la Suède, ont pris parti. Donc là, c'est qu'on ne me fasse pas croire que c'est pas. Moi, à peu près, quand à un moment donné, j'ai dit, ben là, il est minuit. C'était qu'à mes yeux, je voyais selon les éléments qu'on était dans une guerre mondiale. C'était clair. Puis là, finalement, ça laisse aucune. Il n'y a aucune nation qui peut ne pas se prononcer par rapport à un conflit comme ça. Là, c'est un piège de polarité. Parce que. Bon, soit ça va être, ils vont être pro-russes, soit pro-Ukraine, mais je veux dire, dès que tu prends parti, ben, t'es subjectif, là, dans le sens que tout ça, que je veux dire, à mes yeux, c'est carrément la destruction de l'Europe, là, qui s'en vient, puis est voulue, entre autres, par les services américains. Mais les Européens pensent que les Américains sont leurs alliés. Ils n'en ont rien à faire. C'est n'importe quoi. C'est comme les financiers de New York qui ont aidé à financer dans les années 30 des choses au niveau politique. Ils savaient que ça préparait la guerre. Bon, je veux dire, les Américains sont sur le bord de personne à ce niveau-là, mais là, je parle des services américains, pas la population. C'est pareil. Là, on pense qu'il y a un bloc qui fait face aux États-Unis, la Chine, puis voyons, là, la Chine, là, elle aussi a fait affaire avec les FMI, elle aussi, elle rachète de la dette de d'autres pays. C'est le même système. Donc, ça fait partie de les polarités, c'est des antagonisations, c'est-à-dire c'est juste du théâtre qui servent à justifier. Mais. Il reste que c'est comme il y en a, ils disent, il s'en vient un gouvernement mondial. Il s'en vient pas, il est là. Ça fait longtemps. Sauf qu'il va C'est devenir de plus en plus visible et manifeste. ça, c'est en train ça. Mais là, comme il faut justifier, puis justifier, puis justifier, ben là, finalement, on nous met dans des contextes où on n'a jamais le choix. Donc, finalement, oui, à un moment donné, ça va être la paix, parce qu'on va nous avoir imposé la guerre. Donc, on va être prêt à accepter la paix qu'on nous impose. Mais ce sera peut-être pour entrer dans un monde qu'au fond, on n'aurait jamais dit oui à ça. Donc, c'est tout le temps du chantage, puis c'est tout le temps de la manipulation. Mais ça fait longtemps que c'est prévu, ça. Ça fait très longtemps. Vers la fin du 19e siècle, c'était déjà prévu qu'il y aurait trois guerres mondiales. C'est comme. Prenez des affaires, c'est des affaires pas connues, là, très peu connues. Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre. Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, lui, prédit, oh, il va arriver telle chose avec les Mahométans qui vont causer du trouble en Europe, qui vont venir en Europe, puis là, la Chine va devenir un bloc. Puis, comment ça qu'il sait tout ça? Parce que c'est un prophète? Ben non, c'est parce qu'il y a un plan, puis il est au courant. Il est au courant des détails. Donc, tout le monde là-dedans est instrumentalisé. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas sa mission, ce qu'on appelle les missions des peuples. Donc, il y a la mission des Chinois, la mission des musulmans, la mission des Juifs, la mission des Français, la mission des Et Allemands. c'est qui détermine la mission des différents peuples? Ben, c'est des gens qui sont dans le secret des dieux, si on peut dire. Mais là, c'est de la féodalité cachée. Mais c'est eux autres qui ont décidé ça. C'est pour ça, moi, je compte sur des imprévus. Je compte pas sur des choses qui seraient déjà calculées d'avance à l'intérieur de ça. Mais là, bon, c'est des gens qui sont tellement influents puis puissants qu'on connaît pas leur nom. Souvent. Mais c'est comme, c'est quoi la synarchie? C'est quoi ces affaires-là? Ben, ça fait pas partie de ce qu'est le public. Il n'y a personne qui parle de ça. Il n'y a personne qui en parle. C'était quoi les Carbonari? C'est quoi ces affaires-là? Qui c'est qui a financé les groupes, ce qu'on appelait les anarchistes en Italie dans le temps? Parce que ces affaires-là, il faut les financer, ces structures-là, puis bon, ça sort d'où toutes ces affaires-là? Pourquoi on parle pas de ça? Les historiens n'en parlent pas. Ça les intéresse pas. C'est ça qui me... Ben, ils Je... sont orientés dans le sens Ben, c'est que ça. il y a un adage qui dit que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, à ce moment-là, ceux qui réussissent à exécuter leur agenda, ben, ils prennent le contrôle, un peu comme dans sur le plan médical, la médecine chimique, parce qu'il y a des industries financières qui sont importantes derrière ça, qui vont tasser les médecines alternatives. Donc, c'est un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire la force qui a préséance va écraser les autres pour établir son agenda puis se maintenir en puissance. On dit les gagnants écrivent l'histoire, mais mieux que ça, il y a ceux qui mènent pour vrai, eux autres écrivent l'histoire d'avance. Bien, c'est eux autres qui déterminent c'est qui vont être les gagnants, entre guillemets, C'est ça. qui sont en réalité des individus manipulés. Mais pour en revenir Des à la. complices, souvent. Aussi, ou des idiots utiles, Ouais. comme dirait Staline, parce qu'il y en a qui sont inconscients, puis ils servent un plan qui les dessert. Ben oui, ben regarde, si tu veux pas obéir puis tout, ben ils vont juste te démissionner, c'est tout. Ben là, comme on le voit, Hydro-Québec vient de perdre ses droits principaux. Puis le monde, les journalistes, ils nous présentent ça de façon à ce que la population peut pas voir que dans le fond, c'est gouverné comme, dans le fond, on a affaire à des mafieux, c'est carrément ça. Dans la mafia italienne, là, ils décident, ah, ben, toi, c'est plus toi, là, qui prête nom pour tel commerce, là. C'est l'autre qui va. Ça joue de même. Parce que c'est pas normal, là, ce qu'on voit. C'est pas normal que trois personnes en ligne démissionnent, entre guillemets. Ben, peut-être qu'ils savent des choses au niveau interne qui est extrêmement compromettant et qu'à ce moment-là, ils quittent avant que le bateau coule ou qu'un scandale qui éclate. Ben, possiblement qu'ils n'ont pas voulu faire ce qu'on leur demandait, fait qu'ils se font sortir. Moi, je le vois de même. Puis là, ils vont mettre du monde qui vont obéir. Des idiots utiles. Ben, des complices, là, à ce niveau-là, c'est des complices. Les idiots utiles, c'est la population qui écoute ça aux nouvelles. Qui vont payer des tarifs augmentés, qui vont se priver. Pierre Fitzgibbon, il dit de prendre des douches à deux, là. Pour économiser, pour pouvoir vendre à rabais notre électricité à du monde qui nous ont fait du chantage, que finalement on n'avait pas besoin d'eux autres, Bien, on on vend n'avait pas besoin l'électricité aux de... Américains apparemment à rabais en raison que des ententes, puis nous autres, on aurait à nous priver. Donc, c'est sûr que c'est vraiment répugnant, là, en tout cas, cette façon de se comporter. Hein. Tu trouves pas Pierre Fitzgibbon galère d'un mafieux irlandais? On trouve tout ça qu'il y a de l'air. Bien, Puis moi. dans le temps des trafiquants d'alcool, le monde, il tripe sur les Kennedy. Ils viennent d'où, les Kennedy? Le bonhomme Kennedy, le père. Bien, c'est sûr qu'il ne m'inspire pas confiance, là, mais sans pour autant aller dans des attaques personnelles. C'est pas des attaques personnelles. Qui attaque qui? Moi, je demande pas au monde de prendre le douche à deux. C'est pas Non. des attaques personnelles. C'est de savoir, c'est quoi le profil? Ça ressemble à quoi, là? Est-ce qu'on peut faire des parallèles avec le passé? Donc, est-ce que c'est des attaques personnelles? Non. C'est parce que lui, il n'est pas style. C'est un autre style. Mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Dans le sens que, finalement, bon, pourquoi que les Irlandais se sont bien intégrés au Québec? Ben, ils étaient catholiques, ils aimaient prendre un verre. Puis c'était un peuple qui avait été un petit peu mis à part, puis qui avait subi du mépris beaucoup. Puis qui était pauvre, puis qui avait des grosses familles. Puis c'est bien correct, ça s'intègre bien, mais il reste que on a les qualités de nos défauts. Donc, les Québécois, c'était un peuple un peu latin. Ben, dans le fait que, donc, qu'est-ce qui s'est le plus intégré au Québec? Qu'est-ce qui a pris le contrôle? Ben, bon, c'est des affaires qui nous ressemblent. Qui nous ressemblent. C'est pour ça que je te dis, c'est pas des attaques personnelles, c'est parce qu'on est personnellement tous attaqués, là. Fait qu'il faudrait le voir, au moins le voir. Parce que moi, me faire dire qu'il faut prendre notre douche à deux, non. Non, non, non, non, non. Dans le temps de Jean Lesage, qui ont décidé qu'ils feraient Hydro-Québec, puis tout, puis qui ont envoyé Parizeau en printemps à New York, puis. Il reste que. Non, là, on s'est fait avoir. Puis pas à peu près, là. Le fait qu'on s'est financé de l'extérieur, puis bon, finalement, on a signé des choses. Puis là, faut donner en priorité notre énergie à. Non, non, non, non. Aux Américains qui vont la dilapider avec des Las Vegas, puis ça coûte une Ça. fortune en alimentation énergétique, des endroits comme Nous ça. autres, il faut se priver. Puis eux autres vont vivre dans l'opulence, puis le casino, puis le luxe, puis ils font faire jaillir une ville en plein désert et autres. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui n'a aucun sens. Et ça s'appelle, c'est vraiment nous exploiter, là. Nous exploiter, c'est exploiter la naïveté des Québécois, leur incapacité à avoir une vision d'ensemble. Puis ceux qui, comme elle, là, qui est Mme Brochu, qui est partie, a dit, c'est pas ça qui était la priorité d'Hydro-Québec, c'est pas ça le mandat d'Hydro-Québec. C'est pour ça qu'elle quitte. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas d'accord. Mais là, on est gouverné par du monde qui se font faire des habits de chasse sur mesure avec l'épaule en cuir pour aller faire la chasse aux faisans sur des îles privées. Est-ce qu'on est ignorant à ce point-là? Est-ce qu'on est inconscient à ce point-là? Est-ce qu'on Ben oui, est ben c'est ça, aveugle à ce Monsieur point-là? Fitzgibbon qui va faire de la chasse de luxe avec des amis. Alors qu'il va demander aux gens de se priver, donc il prêche pas par l'exemple. Ben non, mais c'est parce qu'on si on regarde le profil psychologique, là. Ce monde-là, c'est comme Scarface, là. C'est des mafieux. Dans le sens, je parle pas de la mafia comme genre comme la Cosa Nostra, puis tout ça, c'était un autre genre un peu. Mais il reste que c'est mafieux dans le sens que c'est du patronage, du clientélisme, c'est des groupes de personnes influentes, puis bon. Puis il reste que, je veux dire, c'est comme si on est aveuglé. On veut pas le voir. Ben, on est On veut. hypnotisé par les médias de masse. Ben oui, puis pourtant, moi, c'est ça qui me. Je veux dire, je suis pas capable de regarder longtemps la télé parce que je le vois, là. C'est insupportable. C'est insupportable à regarder. Tellement que, comme lui, là, quand il fait des conférences de presse, il est insupportable. Il est insupportable. Puis, ah non, non, non, non, non. Puis pourtant, le monde, ben, bon. Je veux dire, on a affaire à du monde que il n'y en a pas de démocratie parce qu'ils sont haïs, puis ils sont là pareil. Puis il y a des firmes de sondage, ils nous disent qu'ils sont aimés. C'est comme en France, là, tu as Olivier Véran qui est passé à la télévision, puis il s'est ridiculisé. Ils sont ridicules. Ils sont même pas au courant c'est quoi le prix du gaz. Puis ils disent au monde comment faire. Non, ils font la morale aux gens, etc. Mais c'est un petit peu comme François Legault qui ne savait pas c'était quoi le coût du logement. Tu sais, il avait dit Non, aux ils sont pas sur la même planète. C'est des castes. Puis, mais non, c'est féodal, là. C'est comme dans le temps, je veux dire, au Moyen-Âge, le seigneur, il sait-tu combien ça coûte? Non, non, il y a des déconnecté des réalités du peuple, puis des paysans. Donc, c'est sûr C'est que. ça, mafia. Ouais. Mais le terrain sur lequel je voulais t'amener, ben, je voulais aborder avec toi, entre autres, la question de programmation collective. Donc, quand on regarde, par exemple, un peuple qui subit la guerre, donc comme l'Ukraine depuis environ un an, est-ce que ça peut être en relation avec une forme de retour karmique, dans le sens que. Ben oui, mais c'est des lois de conséquence. C'est tout. Un peuple qui n'est pas éduqué, puis qui n'est pas instruit, puis que, bon, c'est sûr que ça va être corrompu plus facilement. Mais je le vois pas comme moral. Non, mais moi, je le voyais au niveau occulte dans un sens que la possibilité que de la mémoire associée à la civilisation des Atlantes, qui a connu une forme de déchéance, donc de corruption, se Ça serait a-tu réactualisée. existé, ça, les Atlantes? On est sûr de ça, là? C'est sûr que sur le plan de l'histoire officielle, c'est extrêmement Non, discuté. non, je te parle, moi, sur tous les plans. On sort ça d'où, là? Bien, au niveau de ce qu'on va appeler l'archéologie interdite, il y Non, non, moi, a. je te parle les Atlantes, là, Oui. spécifiquement. OK. Bien, c'est-à-dire qu'il y a des vestiges de civilisations anciennes qui remontent à au moins 12 000 ans qui ont été découverts sur la Oui, Terre. C'est ça, je suis documenté, d'accord. là. Je te parle des Atlantes spécifiquement. Bien, en tout cas, si on l'entend, le peuple atlante comme peuple qui a existé il y a plus de 12 000 ans, avec. Ouais, mais ça, c'est de l'assertion, puis c'est axiomatique, là. Ça sort d'où, ça? Ben, en tout cas, il y a des vestiges de temples, de pyramides, de lieux qui dateraient depuis 12 000 ans, qui ont été datés. Sinon, les Atlantes spécifiquement, David. OK. Ça sort d'où, ça, là? Ben, c'est sûr que c'est en lien avec le Nouvel Âge, Blavatsky, Et etc. voilà! Et voilà! Et voilà! Parce que tout ce qu'on a, c'est un Platon, puis quelques patentes en Égypte qui donnent pas le même nom. C'est tout. Y a rien. Y a rien. J'en ai plein le cul de ça. Là, on est perdu. Les Atlantes, les Lémuriens, le continent de Mu. On fait quoi avec ça, là, là? Là, on va se mettre dans la tête que c'est les mémoires de ça. Qui se réactualiserait, la possibilité que ça se réactualise à travers l'Ukraine qui vit une forme de corruption morale. Ben là, à travers ce que Platon il dit, là, on arrive à plein d'affaires, puis c'est des constructions qui se sont faites depuis le 19e siècle, que probablement même lui, il dirait que ça n'a pas d'allure. C'est quoi, là, vous vous pétez des cartons? OK, On je. remplit des inconnus avec de la fiction, là. Là, c'est rendu Word Tales. J'ai bien de la misère avec ça, dans le sens que là, on est en train d'essayer d'arriver à expliquer le réel avec des affaires de même. Ça a le dos large, ces affaires-là. Oui, ça existe en tant qu'égrégore mémoriel. Parce qu'on se compte des cartoons depuis longtemps. Mais il reste que, moi, l'Atlantide, j'ai aucune preuve que ça existait, puis ça n'a aucune importance à mes yeux dans ma vie. Puis quand je regarde l'actualité, puis j'essaie de comprendre, jamais que je pense à eux autres. Parce que je suis pas sûr. Oui, il y a eu des affaires, il y a eu un cycle avant, puis à un moment donné, ça s'est effondré, puis tout. Mais là, l'affaire, dire, appeler ça les Atlantes, puis... Ben, il faut bien leur donner un nom, les gens, la civilisation qui a été Oui, c'est là déchue avant que... celle actuelle. C'est là qu'on se fait avoir, dans le sens que... Là, on donne un nom, puis tout, puis c'est une vibration égrégorielle avec de la mémoire, puis tout, puis finalement, là, on devient... Ça peut pas être objectif, là. Parce que ça charrie de la mémoire, ça charrie de l'émotivité, tout ça. Ça fera partie de nos... c'est... Comment je pourrais dire ça? On est dans de la mythologie, là. C'est archétypal, là, les Atlantes. C'est rendu... L'archétype de la civilisation déchue. Ben là, moi, c'est bien de valeur, là, mais c'est pour ça, à un moment donné, j'ai revu une affaire que tu avais publiée où je parle les extraterrestres. Ça fait longtemps, je pense que c'était en 2017. Puis là, j'ai regardé les commentaires, puis il y en a un qui semble s'être avisé depuis. Puis non, j'ai pas changé d'idée, je dis exactement la même affaire. Quoi? Il y a le monde, il pense que les affaires, des petits bonhommes gris, c'est des extraterrestres. Quelle preuve qu'on a de ça? C'est pas de ça que je parle. C'est pas d'eux autres que je parle. Là, c'est dangereux, Mais quelle là. preuve que ça n'en est pas non plus. Ben voyons, David. Ces affaires-là, ça apparaît à partir de certaines époques, puis c'est lié. Je veux dire, regarde les comptes rendus des observations rapprochées qu'il y a dans les années 30, 40, 50. Il n'y en a pas de petits gris. Non, c'est en accord avec encore les égrégores de la culture populaire. Fait que dans les années 50, le monde y rencontre des bonhommes en scaphandre avec des antennes, puis ils sont verts. Non, je suis d'accord qu'une Au projection 19e siècle, les culturelle, ovnis, là, ouais. c'est des bateaux genre Jules Verne. C'est ça, ou dans le temps de Comment la ça? religion au Moyen Âge, c'est des croix dans le ciel. C'est sûr qu'il y a une dimension de Ben oui, mais ils servent projection, la d'archétype. forme. Ils choisissent la forme pour ce qui va marcher. C'est, on le voit pas. Non, Pourquoi ils mais. changent de forme? Pourquoi ils changent de forme? Mais Pourquoi, peut-être qu'en là, ils manipulent réalité. en apparaissant de telle façon, puis après, c'est de Ouais. telle autre Mais en façon. réalité, Puis quand peut-être. ça marche pas, là, Ouais. c'est au Portugal, puis tout, là, pouf, là, c'est plus des extraterrestres, c'est la Sainte Vierge. Mais si on le prend le problème autrement, peut-être que c'est pas eux qui changent la forme, mais c'est nous, avec notre cadre de référence, qui changeons dans le temps, qui fait qu'on va interpréter différemment Ben les oui, mêmes mais si ton phénomènes. enfant il croit au bonhomme 7 heures, puis que tu veux lui faire peur, tu vas te déguiser en bonhomme 7 heures. S'il croit au Père Noël, puis que tu veux le manipuler, tu vas te déguiser en Père Noël. Oui, mais si on prend parce que la perception peut être l'utilisation de la forme aux deux niveaux, c'est-à-dire à la fois au niveau de l'observateur et du phénomène en tant que tel qui s'adapte aux yeux de l'observateur. Donc, ça peut aller dans les deux sens, dans le sens que l'observateur qui est naïf, qui croit au Père Noël, il va projeter sur l'horizon du monde l'image du Père Noël s'il voit quelque chose dans le ciel. Puis un peu plus tard, ben s'il croit à la Mais Sainte Vierge, il là, va s'imaginer que c'est la Sainte c'est Vierge rendu que la qui. pensée vient plus d'ailleurs. Ben, la C'est nous projection ou autres qui donnent. l'interprétation réflexive de la pensée qui vient de Moi, ce l'individu. que je vois là-dedans, c'est que les formes sont choisies pour une fonction. Mais Donc, c'est surtout ça que je vois, en là. même temps, si on le prend autrement, si on prend par exemple dans le fond, les Autochtones qui étaient en Amérique, quand ils ont vu des hommes sur chevaux, donc par rapport aux premiers Européens qui sont arrivés en Amérique, bon, ben, il y a de la difficulté à comprendre le concept de gens sur chevaux parce qu'il n'y en avait pas comme ça. Ouais, puis là, supposément, ce qui est rapporté, c'est qu'ils pensaient que c'était des sortes de centaures. Bullshit. Je crée pas ça. C'est toutes des affaires Mais qui c'est une nous ont été possibilité rapportées. quand même à considérer, un peu comme les gens en Afrique qui voient un avion dans les cieux puis Penses-tu vraiment s'imaginent que que le c'est monde un était dieu. cave à ce point-là? Ben moi, j'écarte pas cette possibilité-là. OK, ils ont des lamas, ils ont des lamas, ils ont des alpagas. Puis là, tout d'un coup, ils voyaient un cheval avec quelqu'un dessus, puis ils sont pas capables de comprendre. Ben, peut-être que certains d'entre eux ont eu de la difficulté à cause qu'ils vivent un choc paradigmatique à cause d'une nouveauté. Quelle nouveauté! Il n'y a jamais personne qui a monté sur un lama. Ces peuples-là, il n'y avait pas la roue, mais il y avait des chemins, comment ça? Non, je comprends. Tu soulèves des Ben bons points là, quand on est même. conditionné, David, à être idiot, là, à être naïf, puis à croire n'importe quoi. C'est ça, Vraiment mais. n'importe quoi, tellement que c'en est enrageant. C'est vraiment enrageant, parce que moi, cette histoire-là, aussi, je me rappelle dans le temps qu'il expliquait que, bon, il voyait des conquistadors sur des chevaux, puis il tiltait, puis je crée pas ça, parce que finalement, avec le recul, puis à force de m'intéresser à la question, puis tout, je me suis rendu compte que c'était une conception, c'était une construction, ça. Parce qu'il n'y a aucun témoignage d'Autochtones qui aurait été rapporté ou qui expliquerait qu'on ne comprenait pas, on pensait que c'était des centaures. Oui, ça peut être des harcèlements quand tu as affaire à une autre civilisation qui fonctionne avec une technologie un peu différente. Parce qu'on le veuille ou pas, une selle avec des chevaux et du monde dessus, jusqu'à un certain point, c'est de la technologie. Mais il ne faut pas non plus, faut pas exagérer, là. Ça devient ridicule. Comme, oui, c'est vrai que quand ils voyaient des bateaux au large, ils avaient de la misère à comprendre ce qu'ils voyaient, mais ils voyaient, là. Ils voyaient qu'il y avait de quoi, mais ils puis il avait de la peur à comprendre que bon. Mais il reste que on nous a rentré dans la tête que ces peuples-là étaient plus stupides qu'ils l'étaient, là. Il faut pas oublier que les Occidentaux, on est un peu portés à diminuer les autres. Ben oui, ben pour des raisons d'orgueil, c'est comme l'histoire des conquérants qui écrivent l'histoire, c'est-à-dire qu'ils peuvent écrire, c'est sûr que les Occidentaux qui ont écrit toute l'histoire là, liée à la découverte de l'Amérique, qui ont fait ça d'une manière à s'avantager, puis dans certains cas à diminuer d'autres peuples là, naturellement, là, ou les traiter avec mépris, ainsi de suite. Puis là, c'est sûr qu'au Canada, on a eu le génocide culturel qui a été perpétré là, avec les autorités gouvernementales et les religieux main dans la main là, par rapport au peuple autochtone. Ouais. T'as l'air Je sais sceptique? pas, là. Bon, en tout cas, dans ce qui a Oh, été. il y a ben, ben, ben de la manipulation encore là. Regarde, là. Si moi, j'arrive dans un village, puis je donne de l'alcool à du monde, puis ils se saoulent, puis finalement, bon, avec le temps, ils se dégénèrent un petit peu, puis ils oublient leur culture, si on peut dire. Bon, ben là, c'était, tu sais, je veux dire, la culture, c'est la responsabilité des membres de cette culture-là. C'était quelque part. Est-ce qu'on va déresponsabiliser puis infantiliser les Autochtones? C'est de même qu'on les a détruits. Puis on continue. Sont capables de. Ils étaient capables, c'était leur responsabilité, leur culture. Puis il est temps qu'ils retrouvent ça, là. Parce que là, en disant, ben là, les Blancs nous ont tous enlevés puis on est des victimes, ça contribue, c'est de la psychologie inversée. Donc, C'est encore autrement ça, on dit, continue à les infantiliser, ça on continue à renforce les victimiser, à le les infantiliser. sentiment de victime chez eux et ça les empêche de monter en puissance. Ça Ben les garde là, dans un état d'impuissance, là. ben c'est du conditionnement. Donc, est-ce C'est qu'on. clair que la solution ne viendra pas des Occidentaux, viendra pas des Blancs, là. Mais là, La est-ce que solution ça. devrait venir d'eux dans un sens d'une prise en Hein? charge, puis une affirmation culturelle, voire nationaliste plus grande. Oui. Et oui. Puis, pas de quartier. Pas de quartier. Puis, à un moment donné, c'est parce que, à être trop fin, on se fait avoir. C'est pour ça qu'on dit pas de quartier. Je veux dire. À un moment donné, là, c'est ben, on a le dos large, hein? Mais là, c'est comme je te dis, ça contribue à continuer à les infantiliser, là. Donc, bon, ça ne marchera pas. À un moment donné, il va falloir qu'ils admettent, dit, ben là, on a été naïf, puis on s'est fait avoir. Mais pas parce qu'ils sont méchants, puis qu'on est gentils. Dans le sens de dépolariser ça, puis d'arrêter d'antagoniser ça. Mais là, c'est parce que c'est tellement subtil que collectivement, tu sais, je veux dire collectivement, c'est dur de comprendre les affaires de même. Il reste que c'est je veux dire, le génocide culturel. Penses-tu que les Canadiens français, c'est pas un génocide culturel? Qu'on a vécu par rapport aux anglophones, entre autres, dans le reste du Canada, et puis le fait qu'on est dans une mer anglophone en Amérique, que ce soit les États-Unis au sud. Oh, c'est pas de ça que je parle. Moi, je te parle le fait que on a été conditionné qu'on n'a pas de patrimoine. Dans le sens que c'est pas normal que les maisons passent pas d'une génération à l'autre. Dans le sens que les familles les lèguent pas en héritage. Ben, dans le sens qu'il n'y a rien, il n'y a aucune continuité. Mais ça dépend. Hein? Il y a des familles d'une génération à l'autre que les jeunes vont prendre la relève de la ferme. Ça existe. Ben oui, avec dans des façons de plus en plus que ta ferme ne sera pas rentable, elle ne t'appartient pas. Bien, c'est sûr que la problématique de l'accès au crédit fait en sorte que pour avoir accès à des prêts, bien, ils sont obligés de se soumettre à certains Mais règles, à pourquoi certains. qu'il y aurait besoin d'accès à des prêts? C'est rentable une ferme, dans le sens que, regarde, là, c'est rendu le monde, faut qu'il y ait en formation agroalimentaire pour se conformer aux normes. C'est rendu que pour être un bon fermier, il faut aller à l'université. que c'est ça. Depuis quand qu'elle est fermier, il faut qu'elle aille à l'université pour savoir tirer un S1P. Il y a de quoi qui marche pas, là. Mais c'est pour gérer la ferme. Aujourd'hui, la ferme est vue comme de Comment ça plus se en fait plus qu'il comme y a étant une 100 ans, les entreprise. fermiers étaient illettrés, puis la ferme, elle marchait pareil? Contexte socioculturel différent. Aujourd'hui, par exemple, un fermier qui va avoir, pour que ça soit rentable, faut qu'il ait beaucoup, Comment par ça, exemple, de donc? vaches, faut qu'il ait du matériel Hey, qui va wow. Comment détrieuser. ça, donc? Comment ça? Ben, c'est la pression du marché. Ben oui, c'est la pression du marché. Donc, tu le vois que ça vient de l'extérieur? C'est sûr C'est que. imposé au monde. Il est là le génocide culturel. C'est n'importe quoi. Là, c'est rendu qu'à un moment donné, il y avait des SWAT tactiques qui rentraient dans les fermes. Hey, eux autres, ils font du fromage au lait cru. Ils rentraient comme s'ils rentraient dans des installations des cartels mexicains. Il y a de quoi qui marche pas, là. Ben, c'est les règles aussi qui ont augmenté avec les années au niveau sanitaire. Pourquoi? Ben, y a un contexte, c'est sûr que je pourrais élaborer. Si on prend par exemple la question des C'est tous cochons. des prétextes, David. Ouais. C'est des prétextes. Ils veulent industrialiser les fermes pour tuer les petits fermiers. Puis là, c'est tout rendu comme, regarde, tu peux plus avoir une quinzaine de cochons pour être rentable. C'est pas normal, là. Il y a de quoi qui marche pas, Non, là. ben c'est sûr que ça va à l'encontre de la subsistance individuelle comme C'est ça qui est autrefois. important. C'est ça qui est important. C'est ça précisément qui est menacé à l'heure de la mondialisation. C'est pour ça qu'à un moment donné, le monde va falloir qu'ils se donnent mutuellement tous des coups de pied dans le cul. Parce que ça ne sera pas assez. Ça ne sera pas suffisant. Puis si, à un moment donné, on ne veut pas se ramasser à vivre dans un monde complètement déshumanisé, là, mais vraiment, là. Là, c'est rendu qu'en Europe, il y a des villes complètes, là, je ne sais plus trop dans quel coin, là, la viande est illégale. Là, hein? Quoi? Comment ça, donc? C'est ça? Ils sont fous, quoi? C'est de la folie, là. Ça doit être des écologistes activistes qui veulent réduire l'empreinte carbone qui est liée à la production de la viande, j'imagine. Toutes les affaires qui nous sortent depuis les dernières décennies, c'est plus dommageable, puis ça fait le contraire de ce qu'ils disent. Tout le temps. On se fait faire la leçon sur l'empreinte carbone par des milliardaires qui se promènent en jet privé. Christ, ça va faire. Ça va faire. Ces gens-là, ils n'ont aucune crédibilité, aucune. C'est pour ça qu'ils s'imposent. C'est pour ça que c'est dans le secret. Parce que le monde, il accepterait jamais ça. Il accepterait jamais ça. C'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Emmanuel Macron, il est allé dire, oh, je crois pas au modèle Amish. Ta gueule, va te cacher, t'es qui, toi? Pour qui tu te prends? Oh, je crois pas au modèle que ça a marché pendant des millénaires. Puis après, on apprend que sa femme, elle voulait faire reconstruire Notre-Dame de Paris avec comme flèche sur la cathédrale une grosse verge bleue avec des gosses en or. Ils sortent d'où? On nous impose du monde que finalement, c'est s'en fout, c'est de la folie, c'est des malades mentaux. Puis j'ai pas peur de le dire, ils sélectionnent exprès du monde qui ont des pathologies mentales parce qu'ils ont des pour que il y a juste du monde pathologique qui vont accepter d'appliquer des affaires de même. C'est comme si tu veux à Ou tout du monde prix. corrompu. Ouais, mais là, c'est plus de la corruption, là. Ben, c'est-à-dire que. Parce qu'ils croient à ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des nuances à apporter quand même, là. Je veux dire, il y en a qui peuvent jouer double jeu. Mais. Pas sûr, ils sont pas assez subtils, là. Comment tu veux? Macron, il croit. Il croit, je veux dire, Trudeau, il croit à ces niaiseries. Sinon, il faut. Mais. Regarde, en tout cas, je veux dire, c'est pas du monde assez complexe pour jouer. Ils sont pas assez subtils, ni assez complexes, ni assez brillants pour être névrosés au point de jouer double jeu tant que ça. Ils croient vraiment, puis ils croient vraiment qu'il faut imposer ça, puis bon, ça fait leur affaire, puis oui, il y a peut-être de la complaisance pour toutes sortes de raisons, mais s'il reste qu'ils sont choisis, sont profilés au niveau psychologique pour obéir. Parce que c'est ça, ils sont choisis selon leurs défauts, puis ça fait longtemps qu'on le sait, ça. Oui, puis on a fait d'ailleurs plusieurs enregistrements au fil du temps là, pour apporter une critique, comme tu le sais faire d'ailleurs dans tes enregistrements individuels, extrêmement virulente par rapport à la classe politique. Puis c'est sûr que je suis d'accord avec toi que quelque part, c'est des gens qui sont choisis pour leur faille, pour manipuler la population en relation entre autres avec un agenda anti-homme. Mais moi, je vais t'amener au niveau plus occulte à travers la capsule présente, parce qu'on pourrait faire de la critique sociale encore dans les 2 prochaines heures. Puis tu soulèves des bons points, là. Je suis d'accord avec toi, mais si on va aller plus loin pour la personne qui nous écoute et qui, tout comme toi et moi, on en a marre, là, de cette programmation-là involutive avec des gens qui nous amènent dans une forme de déchéance, ce que certains appellent une involution. Donc, pour les gens qui sont tannés de ça, et qui aimerait à quelque part sortir du scénario associé à ce que certains vont appeler un karma collectif, donc une épuration de la masse de son inconscience avec des situations de pénurie, des situations de guerre, là, la guerre en Ukraine que ça fait environ 1 an, etc. Qu'est-ce que la personne qui nous écoute concrètement peut faire qui est tannée de tout ça pour se libérer de ces influences-là? Le but, c'est pas se libérer, c'est pas dur. Dans le fond, c'est d'être à l'affût, puis tu te laisses pas faire. C'est tout. Bon, regarde, moi, les 2 ans qu'on a eu, puis tout, je me suis pas laissé faire. Mais C'est là, tout. dans le J'ai fond, ici, tout, tu là, fais j'ai rien fait référence d'autre. là, à ce qu'on nous a dit être C'est une bon dans pandémie en tout. 2020, là. C'est bon dans tout. Un cultivateur qui veut pas embarquer dans. Ben, il peut être rentable pareil. Puis il va survivre. Mais il y a juste à. Il y en a un couple ici là, qui élève du bœuf, puis ils sont rentables, puis ils vont survivre. Mais ils distribuent juste à des clients. Ils ont leurs clients. Ils ont leur réseau de clients. Mais ils font pas méga élevage pour embarquer dans ci, puis aller prendre des hypothèques, puis ils ont compris. Non, ils vont pas s'endetter pour C'est ça. faire une méga ferme là, parce que souvent les gens dans le domaine du capitalisme vont viser à tu pourrais agrandir tes installations, tu pourrais rajouter ci, moderniser, ensuite des treilleuses automatisées pour les vaches, puis là ça coûte une fortune, puis là les gens deviennent à la merci de ceux qui leur donnent ces conseils-là. C'est ça. Tandis que en restant plus petit, ben, étant pas endettés, dans le fond, sont plus riches que ceux qui ont des méga fermes. Au fond. Puis si demain matin, ils décident qu'ils vendent leur terre, ben, ils vont avoir le capital. Il n'y a eu aucune hypothèque, à rien. Donc, ici, tu C'est re... juste de ne pas embarquer si tu te Oui. laisses pas faire, puis tu crois pas. C'est tout. Quand il y a des affaires qui arrivent avec des belles promesses, puis tout, c'est juste pour rester, rester à l'affût, puis observer. Puis à un moment donné, tu le vois, le piège, puis t'embarques pas. Il n'y a pas d'autre chose, là. Leurs patentes qu'ils sont en train de faire, là, ils vont réussir. Ils vont réussir à l'établir. C'est juste que ça ne sera pas viable à long terme, puis à un Ben, si moment on parle donné, ça va de... tomber. Ben, c'est là que je vais en venir, c'est que la dictature mondiale, à mon avis, comme le conçoivent les tenants du mondialisme, là, donc l'agenda, par exemple, 2030 de l'ONU ou autre, là, en termes de structures qui vont encadrer les gens de toutes les nations, en utilisant, entre autres, les technologies reconnaissance faciale, transactions numérisées pour contrôler, surveiller et épier les citoyens, à mon avis, juste à cause de l'existence de ce qu'on va appeler dans le domaine de la physique quantique du principe d'incertitude qui fait qu'il y a des paramètres au-delà du physique, du plan matériel, qui échappent à ceux qui, pour avoir une très grande compréhension des lois de la matière, va faire en sorte qu'il y aura toujours un effet de surprise, puis la loi du chaos qui va se manifester tôt ou tard pour les déstabiliser. Ben, la loi du chaos, ça a tombé dans une notion de même, mais dans le sens que ben, il y a des affaires, c'est tellement intelligent que ça va servir de. C'est-à-dire que même l'ombre va jusqu'à un certain point Être au servir. service de la lumière. Ben oui. Exactement. Parce que c'est comme pour se rendre compte que quelque chose n'a pas de sens, on est sur une planète expérimentale. Fait que souvent, il faut l'expérimenter pour s'en rendre compte. Donc, les gens, par exemple, ont expérimenté la guerre, puis s'enliser dans des crimes, dans des massacres, etc., pour éventuellement saturer puis réaliser l'absurdité de ça. Ben, il y en a que c'est ça. Il y en a que c'est ça a l'air que c'est comme ça. Puis le problème, c'est que un individu qui est conscient de tout ça, même des fois, même s'il n'a pas à l'intégrer, il peut être obligé de le subir pareil, tout simplement parce que collectivement, c'est pas intégré. Donc, quelqu'un qui ne peut pas s'en aller, quelqu'un qui prend une Ukraine, puis que les circonstances font qu'il n'a pas le choix de rester là, il peut être conscient que c'est absurde, mais il va le subir pareil. Mais là, il va au moins s'organiser pour essayer de passer à travers. C'est ça le but. Mais c'est bizarre. Il y a un vieux Chinois que je suis depuis peut-être quelques années, puis lui, il est en Ukraine. Puis ils ont l'air corrects. J'ai pas vu de bouleversement. Donc, c'est surprenant, là, c'est bizarre. C'est peut-être à la région où ce qui est, je ne sais pas. Qui est pas touché, ou un peu l'effet paradoxal que quelqu'un qui est dans l'œil de l'ouragan, ben il est pas affecté par le tourbillon Ah, qui c'est est autour bizarre. de lui. Ceux qui veulent savoir, la chaîne, c'est Mu Yushun. Puis lui, Puis lui, il parle-tu en français? non, il parle en ukrainien, mais c'est sous-titré. C'est titré? OK. Non, je le connais pas. Bon, en ukrainien, ben, l'ukrainien, c'est un peu une invention, là. Il reste le berceau de la culture russe, l'Ukraine. Ben, celle-là, j'en Mais, ai. C'est un langage qui est proche du russe ben qu'il oui, va c'est des utiliser, là. Slaves. Mais, ouais, c'est des Slaves. Si on regarde l'histoire, la Rousse de Kiev, puis ces affaires-là. Mais il reste que lui, il est en Ukraine, puis ils ont pas l'air. Je trouvais ça spécial. Je dis, c'est bizarre, lui, puis ses disciples, c'est surtout des femmes, ses disciples. Ils ont pas l'air bouleversés de rien. Mais quand tu parles de disciple, est-ce que c'est un maître spirituel? Ben non. C'est un maître au sens comme les Chinois l'entendent. C'est un sifu. C'est-à-dire? Ben, c'est un maître, mais le vrai sens du terme. Un maître, c'est pas. Un maître, c'est quelqu'un qui a des connaissances puis qui les transmet. C'est un enseignant. C'est tout. Mais c'est pas un maître spirituel. Il leur dit pas quoi penser. Il leur dit pas quoi. OK, ouais, dans le sens que c'est un maître, mais c'est pas teinté de doctrine spirituelle. Ben non, lui, il t'explique, admettons que tu veux faire des galettes de pissenlit, ben c'est mieux de les faire de telle façon que ça soit moins amer. C'est un peu ça, là. Ben, tu sais, si tu veux te faire de l'antioxydant, ben lui, il va te transmettre ses connaissances à lui là-dessus. Tu fais tremper des haricots noirs dans du vinaigre, puis c'est tout, là. Puis il t'explique un peu la théorie, là, les aspects yin-yang de sa culture à lui, dans le fond. Il fait rien que transmettre. C'est un peu comme si ma mère Bouchard, elle t'explique comment faire une catalogue, c'est pas un maître spirituel, là, mais c'est un maître pareil. Ben, quelqu'un qui a la maîtrise, entre autres, de la catalogue ou quelque chose qui va partager sa maîtrise là, à travers ses propos, C'est ça. dans ce Parce sens-là. que, ouais, parce que là, comme un Chinois dans ce genre-là, c'est complètement autre chose, là. C'est pas un gourou comme en Inde, là. Mais c'est un sifu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des connaissances puis il transmet. C'est pas un gourou comme peuvent l'entendre les Occidentaux, dans le sens que quelqu'un qui va exploiter les autres ou les arnaquer pour les Ben soumettre à non. une doctrine spirituelle. Ben non, là, tu le regardes comme un vieux, tu vois bien que c'est quelqu'un de bien simple, puis il cherche pas à engranger l'argent, là. Parce que, bon, comment je pourrais dire ça? Parce que l'affaire, c'est que il y a maître, puis il y a maître. C'est pas pareil, là. C'est comme un prédicateur, bon, prédicéré, blablabla. C'est quoi un professeur, professé? C'est quoi, tu sais? Puis avec les termes comme un gourou, là. Puis là, je parle pas gourou comme en Inde, mais gourou comme nous autres, on l'entend en Occident, c'est complètement Avec autre chose. une connotation péjorative, dans le sens qu'il y a une perversion du terme fondamental gourou, comme l'entendaient les hindous, c'est-à-dire celui qui reflétait ce qu'on va dire la partie divine là, de l'individu là, à l'extérieur. Ouais, pas parce que t'as de la caste des brahmanes, mais il reste que, bon, dans le fond, je veux dire, un maître, il va. Un vrai maître, c'est quelqu'un qui se maîtrise lui-même. Puis il va jamais te dire quoi penser. sais, il propose, puis toi, tu disposes. Puis en plus, il est drôle, le bonhomme. Lui, je l'aime bien parce que c'est un vrai chinois, là. Il passe son temps à agacer tout le monde. Comme il souvent il dit, oh, elle a pas de tête, mais je la garde parce qu'elle est gentille. Ben là, il parle-tu d'une poule ou d'une femme ou Il parle d'une femme, de OK. sa gueule. Mais l'affaire, c'est pas par méchanceté, là. Mais c'est un chinois. Donc, c'est pas par mépris, là. Ben non, c'était des agaceurs, les Chinois. C'est un humour babet subtil. OK. En Un humour même temps que. particulier, mais par rapport à la notion de maître, est-ce que toi, tu te considères comme étant un maître? Dans le Ben sens que non. tu viens de l'entendre, c'est-à-dire Ben l'individu qui non. propose, puis les autres disposent. Ben non, parce qu'un maître, il côtoie des disciples. Mais Moi, je suis toi, à plus ce travers... qu'on appellerait un anachorète, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui est plus un ermite un peu. Dans le sens, je vis pas en communauté, mais là. Mais dans un sens, étant donné que tu fais régulièrement des enregistrements le samedi devant le public et il y a des gens qui reviennent au fil de tes enregistrements, des fois il y a Issia, il y a Fergus, il y en a certains, est-ce que dans un sens, tu ne vis pas en communauté mais virtuelle à l'heure du Ben numérique non. avec des gens qui fréquentent l'espace de clavardage lorsque tu leur donnes rendez-vous le samedi là, à travers tes enregistrements? Ben non, parce que comme je te dis, c'est pas, je socialise pas au sens comme on pourrait l'entendre avec eux autres. Pas C'est au plus. sens en personne socialisé, mais je veux dire la socialisation dans l'âge du numérique prend un autre sens à travers le virtuel, entre autres, et Ben, c'est autre les chose. Moi, je les vois échanges. comme ceux de la correspondance. OK. Parce que, puis même là, moi, j'ai tout le temps dit au monde d'aller selon leur intelligence à eux autres, là. C'est tout, là. Puis même souvent, des fois, le monde, ils vont m'écrire, ils veulent savoir que je pense de telle affaire, telle affaire. Puis c'est pas. Dans le fond, moi, je suis là pour dire, toi, t'en penses quoi? C'est tout. C'est ça qui est important. C'est juste un catalyseur. J'essaie d'être un catalyseur pour activer quelque chose chez les gens, mais il faut que ça vienne d'eux autres, pas de moi. C'est pour ça que je dis c'est plus comme un anachorète. C'est-à-dire que c'était du monde qui vivait pas en communauté, mais de temps en temps, ils se rencontraient pour jaser. Ben, c'est là que j'allais en venir, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il existe des communautés virtuelles. Tu as notamment des groupes sur Facebook, mais aussi YouTube, dans le sens que si tu rencontres des gens à intervalles réguliers, comme par exemple les samedis, pour faire un enregistrement devant public, bon, ben, il y a une forme de communauté qui peut se bâtir alentour de toi au fil des samedis qui passent. Ben, c'est bien difficile pour moi d'avoir un esprit de communauté parce que souvent je vais répondre à des questions, puis la personne qui la pose, souvent je vais reconnaître le nom puis tout, mais dans le fond, j'ai pas la mémoire de c'est qui. Ou souvent je vais répondre à quelque chose, puis après je m'en rappelle plus. Puis là, je passe à d'autres choses. Il n'y a pas de fil, là, je tiens. Oui, mais le fil, il peut être vibratoire et non pas psychologique ou mémorial, dans le C'est sens ça. que si tu perçois la vibration de la personne, ben on peut établir une communauté par affinité vibratoire énergétique aussi. Ben oui, puis même là, on dirait que moi, j'en suis exclu de cette communauté-là. Donc, bon, ben, je m'en rends pas compte. Ben, tu peux en être exclu psychologiquement. Parce que tu t'en rends pas compte, mais un autre niveau plus subtil, à un niveau subconscient ou dans un certain sens presque inconscient, ça s'opère pareil comme une forme de Oui. mécanique vibratoire. Ben ça, j'en suis conscient. C'est juste que je fais le choix de pas m'attarder à ça. Mais il reste que. Je ne vais jamais dire au monde quoi penser. Je leur donne mon opinion. Je leur enlève pas la leur. Non, Puis je cherche non. pas non plus à avoir une influence. Donc, non, je vois pas, je me considère pas comme un maître aussi dans le sens que je maîtrise rien. Puis justement, c'est comme l'essentiel de ce que je fais. Parce que je crois pas à une maîtrise totale. Dans le sens que moi, je procède par tâtonnement. Carrément. Puis j'ai pas de plan. J'ai pas de ligne directrice. J'ai pas de structure. Sans Donc, pour bon. autant avoir une structure psychologique, mais tu peux vivre plus subtilement une forme de maîtrise à travers la parole qui sert à véhiculer une vibration et qui est improvisée aussi, Bon, ben c'est là où ça devient un exercice. qui est en relation avec la maîtrise de l'élément qui est la parole créative. Ouais, puis même là, j'exerce quelque chose, mais je la maîtrise pas. Mais en même temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, dans le sens, c'est en parlant qu'on devient de plus en plus maître de sa parole. Ouais, mais c'est jamais fini. Oui, mais c'est sûr qu'il peut y avoir un approfondissement à l'infini de la capacité de parler et de sa maîtrise. Ben, je sais que je maîtriserai jamais. Parce que c'est jamais fini. Je peux pas, mais c'est tout le temps en mouvement, dans le sens que ça change tout le temps. Donc, je peux pas arriver à rien de fixe ni Mais de. non, je comprends, sans être fixé dans des formes, mais tu peux en venir à un état au niveau psychique grandissant de ton intégration, de ta conscience qui se fait au fil de tes prises de parole, dans le sens que ça t'ajuste vibratoirement pour développer au fil du temps une plus grande centricité qui Ouais, va ça faire en oui. sorte que ta capacité à diffuser en fonction des ajustements qui se font à travers les échanges avec les gens, là, que ce soit à travers les questions, les commentaires, ben ça t'amène à te raffiner sur le plan psychique. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas de la maîtrise, parce que ça, l'exercice, il y a un laisser-aller. Ou, comme dirait André Moreau, un laisser-être. Oui. C'était un certain point. Mais il reste, ça demande pareil un certain effort quand même, puis une certaine constance dans l'effort. C'est pour ça que je dis que c'est un exercice. Mais pour lui, l'effort, c'est signe de l'erreur. C'est ça, mais je comprends que tu entends l'effort dans un sens autre, là, dans le sens d'une forme de discipline qui, à quelque part, va favoriser ton intégration vibratoire, là. Ben oui. Puis je le fais. C'est pas pour le. Tu sais, je le fais pour les gens, mais je le fais aussi pour moi. Bon, je ne sais jamais jusqu'où ça va aller. Je ne suis pas au courant. C'est comme quand on enregistre comme là, je suis pas au courant d'avance. Puis je le demande ça, que je ne veux pas être au courant d'avance des questions. Mais sinon, il n'y aurait pas d'exercice. Là, on tomberait dans de la maîtrise. Puis moi, je ne veux pas maîtriser ces affaires-là. Dans le sens que je sais que ça ne se maîtrise pas. Ce à quoi j'aspire, ça se maîtrise pas. Donc, bon, Ben, ça se j'aspire à contrôle pas rien. par l'ego, c'est dans ce sens-là, là. Ouais, c'est plus au niveau de l'exercice du mouvement, ben avec le temps, bon, je me rends compte que je m'ajuste puis je vais de plus en plus. Mais il reste qu'avec les années, j'ai pas eu à me contredire vraiment. Puis même. Souvent, je vais dire quelque chose, les gens vont comprendre d'autres choses. Bien, C'est tout une est façon reçu selon totale. la forme du récipient, là, comme il y avait déjà dit là, par un philosophe. Il y en a beaucoup qui spiritualisent mes propos ou qui vont colorer ce que j'ai dit. Puis, sont persuadés d'avoir compris ça dans ce que j'ai dit. Puis pourtant, souvent, des fois, je vais réécouter, ça arrive, des fois, je réécoute des gens qui commentent ce que je dis. Je dis quelque chose, puis ils ont compris que totalement autre chose. On parle même pas de la même chose. Donc, je regarde ça, puis dans ce temps-là, je m'abstiens. Dans le sens que je ne vais pas aller corriger la personne, je ne vais pas le faire. À un moment donné, elle va se rendre compte que c'est pas ça que je voulais dire. Possiblement. Si on a Mais la quand. capacité, Moi, c'est c'est parce qu'au ça niveau d'une l'affaire. pratique qui vont finir par. Bon. Ben, Ben, si, c'est c'est. parce que moi, je pars du principe que c'est pas tous les gens qui, dans leur existence présente, vont parvenir à une conscience multidimensionnelle. Pourtant, l'affaire de la conscience multidimensionnelle, t'es déjà multidimensionnel. Là, l'affaire, c'est faut que ça soit intégré par la conscience. Ben c'est ça, tu peux être inconsciemment multidimensionnel, mais si tu le vois pas, parce que on avait déjà fait un enregistrement, entre autres, qui s'appelle l'observation du réel. D'ailleurs, je l'ai remis en ligne là, il y a quelques semaines. Il y a des gens qui nous écoutent, puis vous découvrez Bertha depuis quelques jours. Je vous propose fortement d'écouter cet enregistrement-là, parce que je trouve que tu dresses vraiment la fondation là, du concept d'observation, puis on y revient souvent. Mais le point que je voulais faire par rapport à ça, c'est que si la personne n'est pas capable de voir dans son sens multidimensionnel, elle pourra pas, comment dire, elle va être dupe d'elle-même. Il y a tout le temps une partie d'elle-même qui va l'échapper, puis à quelque part, dans un sens, elle en est victime. Ouais, là, ça va être par rapport à de la. Si, il essaye d'avoir une mise en pratique, d'essayer de servir de l'information, là, tout d'un coup, là, ça ne marchera pas. Là. Ça ne passera pas le test de l'expérimental. Mais c'est comme. Je me suis servi de la systémique cybernétique pour créer des alphabets autorégulés. Puis le but, entre autres, c'est d'affiner la perception du vibratoire. Dans le sens que quand on regarde une figure, là, tu sens une vibration. Puis après, tu tasses, tu regardes l'autre figure, c'est complètement une autre vibration, mais c'est super subtil. Ça, c'est surtout pour affiner cet aspect-là, puis que les gens se rendent compte que oui, il y a des ondes de forme, oui, ils perçoivent du vibratoire, oui, ça émet quelque chose pour justement affiner cette sensibilité-là. Ben, les gens, ils cherchent des significations ésotériques dans mes affaires que j'ai faites. Il n'y en a pas. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Mais c'est tout le temps comme ça. Je veux dire, c'est par rapport à tout. Je donne un outil qui est pour un exercice. C'est tout le temps lié à de l'exercice. Dans le monde, ils vont chercher la signification. Bien, sur le psychologique, un peu comme quelqu'un qui cherche à faire de l'interprétation de rêve, ah, tel symbole, ça veut dire telle chose, il voit une colombe dans le rêve, ah, ça veut dire la paix. Ouais. C'est là que finalement, on parle pas de la même affaire. Parce que souvent, je vais montrer des figures, puis je vais dire, c'est des lois autorégulées. Puis le monde va dire, mais ça veut dire quoi? Puis je suis obligé de dire, ben ça veut rien dire. Pas au sens où. Ça veut rien dire sur le plan psychologique, puis souvent Ben les non. gens cherchent des explications qu'une causalité linéaire. Fait que c'est sûr qu'ils comprendront jamais. Ben c'est sûr. Mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de malentendus. Moi-même, j'en ai vécu aussi à mon niveau, sauf que moi, je travaille moins avec le visuel que toi. Mais avec les années, parce que ça fait quand même depuis 2007 qu'on fait des enregistrements ensemble, on est rendu en 2023. Puis ce que je te dirais, qui me crée une lourdeur en lien avec les gens sur le web, c'est le fait que les années passent, que des gens interchangeables découvrent ça, sont au début des fois fascinés, puis à un moment donné, quand ils se rendent compte qu'ils comprennent pas, ben ils s'en vont, puis il y a d'autres personnes qui sont fascinées, puis ils restent pendant un bout de temps, puis ils s'en vont. Il y en a qui sont là depuis longtemps, on remarque, là. Mais les gens qui comprennent vraiment de ce que je perçois, qui sont là depuis une longue période de temps, écouter les enregistrements ou les commenter, sont très rares, là. Ben oui, mais c'est un peu l'affaire, beaucoup d'appelés puis peu d'élus. Exactement. Donc, des enregistrements ou ta façon de parler ou d'autres, ça peut créer une curiosité. T'sais, tu abordes souvent l'instruction supramentale, certains termes techniques, mais quand que les gens, quelque part, se rendent compte qu'ils comprennent pas ou ils essaient de comprendre, puis il y a une saturation intellectuelle ou réflexive qui s'opère, ben, c'est comme ils sont dépassés, puis regarde, il n'y a rien à faire, ils s'en vont ailleurs. Mais jusqu'à un certain point, c'est correct que ce soit comme ça. L'affaire, c'est que c'est des affaires qui sont pas là pour être compris. C'est soit c'est vu, soit ça ne l'est pas. Donc, bon, des fois, la personne a pu passer des années à essayer de comprendre. Puis finalement, soit elle va s'en aller. C'est pour ça, des fois, je dis ça passe ou ça casse. Soit elle va finir par arrêter d'essayer de comprendre, puis là, pouf, ça rentre. La voix. Elle voit quelque chose. C'est là où l'effort est signe de l'erreur, mais c'est juste vrai, c'est juste réel au niveau psychologique, ça. Mais il reste que, bon, il y en a que je sais qu'ils ont vu, tu sais. Ils ont vu des choses. Mais c'est rare. C'est assez rare. Mais ça en vaut la peine, pareil. S'il faut des fois que tu passes 1000 personnes pour qu'il y en ait deux, ça vaut la peine pareil. La personne, ce qu'elle va intégrer, elle ne le perdra jamais. Tu peux pas revenir en arrière. Quoique la personne peut se faire astraliser malgré elle par des mouvements mémoriels, un peu comme quelqu'un, par exemple, qui voit clair par rapport à quelque chose, puis ah, finalement, selon la propagande d'État, ben, elle se fait récupérer puis elle a une vision polarisée. Ben, on l'a vu. Ouais. On l'a vu. Je veux dire, tu as du monde qui ont été des amis là, de Bernard, qui ont été séminaristes de Bernard. Puis ils ont tout de suite embarqué les 2 dernières années qu'on vient de vivre, ils ont tout pris pour du cash. Exactement, Comment ils ont est-ce que c'est acheté possible? puis embrassé le narratif officiel qui a été véhiculé pendant les médias sans trop se poser de questions. Pourtant, c'était visible immédiatement. Mais il Tu sais. fallait avoir une capacité de vision multidimensionnelle à ce moment-là pour. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis c'est sûr qu'il y a un adage qui disait beaucoup d'appelés, peu d'élus, là. Donc Ben, les. c'est comme dans ce milieu-là, comme t'en as que sont persuadés d'être l'homme nouveau. Bon, c'est correct dans le sens que ça va se casser la gueule, ces choses-là. Si c'est Ça n'a pas pas de choix. réel, parce que C'est Bernard de jamais Montréal réel. avait déclaré à plusieurs reprises, dans le cadre de ses enregistrements, qu'il était un initié. Donc moi, dans son cas précis, je ne dirais pas la même chose pour d'autres instructeurs liés à la conscience qui vont se prétendre initiés ou hommes nouveaux. Dans son cas précis, je donnais la crédibilité à son propos par rapport à la qualité de la vibration qu'il pouvait véhiculer à travers son instruction. Oui, parce que de la façon qu'il en parle, un initié, c'est quelqu'un qui a la capacité de voir. C'est-à-dire, il s'est mis en initiation, il a souffert, puis il a intégré expérimentalement. Fait que c'est pas pareil. C'est pas comme un initié, je sais pas, moi, les initiés. C'est pas comme les filles d'Isabelle, là. Pas pareil. Ou bien les grands initiés là, qu'on nous a rabâché les oreilles avec ça, le RAM puis ces affaires-là. Ça n'a rien à voir. C'est comme, bon, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui, je sais, qui a, comme par exemple, là, qui dans le fond, c'est juste lié à l'expérimental de la personne. Est-ce que la personne, elle voit ou elle fait juste subir? Mais quelqu'un qui a subi la guerre puis qui est parti, c'est un initié quelque part. Donc, autrement dit, parce que là, on parle de la guerre et comme je le mentionnais tantôt, tu as plusieurs millions de personnes qui auraient quitté l'Ukraine. Donc, parmi eux, ça se peut qu'il y ait des initiés. Ben oui, mais ça va être des initiés au niveau de leur expérimental à eux autres. C'est-à-dire, là, on n'est plus dans de l'initiation de la connaissance, c'est-à-dire qui passe par le collectif. Là, on est dans de l'initiation individuelle. C'est lié au vécu individuel. Donc, la personne, c'est elle qui se met en initiation. Si elle devient initiée, ça veut dire qu'elle a intégré de quoi au niveau expérimental. Puis elle aura pu à se remettre en expérience pour savoir ce qu'elle sait. Donc là, ça devient créatif, c'est plus pareil. La personne, elle sort de l'expérimental, puis là, elle voit à mesure. Là, elle est créative. C'est pour ça que quand il arrive avec une connerie d'un média pour la masse, là, pouf, elle le voit tout de suite, pas besoin de réfléchir, elle le voit que c'est pas réel. Comme là, on en a, là, supposément, ils sont dans la régence planétaire, ils disent ça. Ben, soit c'est vu instantanément que ça n'a pas d'allure, soit c'est pas vu. Parce que l'affaire, c'est que, OK, s'il y a la régence planétaire en ce moment, c'est mal régi, là. Non, exactement. C'est sûr qu'on n'aurait sans doute pas les politiciens qu'on connaît au Ben là. pouvoir s'il y aurait une autorité qui serait régie par les lois de l'intelligence éthérique. C'est pour ça que l'affaire, c'est tout le temps, c'est comme, bon, on va dire un tel, c'était un initié. Ouais, mais de quoi on parle? De quoi on parle? La personne, elle va dire, ben oui, j'étais un initié, j'ai été dans telle structure, puis je me suis rendu jusqu'à tel degré, puis j'ai reçu mon diplôme. Ben oui, ben c'est sûr que la personne qui est membre d'une société discrète, qu'on nommera pas le nom, avait une initiation. Ah, t'es rendu à un autre grade, puis là, elle a accès à des informations que les autres n'ont pas, ils n'ont pas accès. Ben, c'est ça la fausse initiation. Parce que l'initié réel, il ne rentre pas là-dedans. Parce qu'il voit tout de suite. Il voit tout de suite. Ce qu'il pourrait intégrer là-dedans, c'est déjà vu. Mais il n'ira pas là-dedans. Ou Non. bien il va se rendre compte que c'est pas réel, que ça ne servira pas. C'est comme l'affaire, là, ceux qui étudient les pierres, puis les ondes émises selon la structure atomique des cristaux, puis ces affaires-là. Puis la personne, elle va dire, ben moi, j'étais un initié de ces sciences-là. Mais le vrai initié, lui, il n'a pas besoin d'affaires de même. Dans le sens que, au niveau de lui-même, de ce qu'il aimait, puis de ce qu'il perçoit, puis de justement ce qu'il voit de ça, puis le jeu qu'il y a activement là-dedans, il n'aura pas besoin d'aller s'acheter des supports comme ça, là, ou d'être au courant d'une science comme ça. Non, non, ben c'est sûr qu'il n'y a pas besoin, par exemple, de maîtriser les pierres qui pourraient lui donner un apport vibratoire, étant donné que il va être un flot de radiation, d'énergie par lui-même. Sa parole va être Ben oui. vibratoire, puis il n'y aura pas besoin de support de forme externe, un peu comme des béquilles, pour lui donner un sentiment d'identité et de mise en puissance. Ben c'est parce que ça devient ce qu'on pourrait appeler des activités de compensation, comme l'être humain, il est complet, là. Oui, ou sinon la personne qui a une grosse corvette parce qu'il y a une petite quéquette, expression québécoise, qu'il y a une grosse auto parce qu'il y a une petite queue, ben c'est la forme la plus caricaturale là, de la compensation. Ouais, ben, tu sais, si on regarde vraiment, là, par rapport à, tu sais, 1 mètre, c'est quoi? Est-ce que c'est comme Bhagwan Rajneesh qui avait un paquet de Rolls-Royce? Ça, c'est la preuve qu'il me tapait 1 mètre, là. Il est maître de tout l'extérieur, il est maître des autres. C'est pas ça, 1 mètre. 1 mètre, c'est quelqu'un qui est maître de lui-même, donc il va être capable de se passer de beaucoup de choses, puis il va être heureux Oui, pareil. mais en même temps, il peut être maître de lui-même tout en appréciant les autos, voire même étant un collectionneur de voitures. Ben oui, mais sais-tu qui a besoin de 30 Rolls-Royce? Ben, en quoi ça a rapport, en quoi c'est lucide d'avoir autant de chars? Il y a du monde, il y a des enfants qui crèvent de faim, puis le 30 Rolls-Royce. Je veux dire, puis en plus, vous qui étiez rendu en Californie, il y en a de la pauvreté, il y en a de la. Oui, Veux dire, mais qui a besoin de 30 Rolls-Royce? On fait quoi avec ça? non, non, mais c'est pour ça que je parlais de collectionner les autos. Tu sais, il y en a qui collectionnent les thèmes, les aventures sexuelles. Donc, il y en a qui collectionnent les films. Pourquoi pas collectionner les Rolls-Royce? Ben oui, mais parce que c'est accumuler de l'inutile, puis en plus que ça, en tant que maître, ça sert à impressionner ce qu'on pourrait appeler des futures victimes. Les collectionner à un rendu à un certain niveau, là, c'est de la perversion, là. Quand c'est rendu fou, là. Non, non, ben je comprends que s'il y a des abus ou s'il cherche une autorité en disant ben si vous adhérez à mes choses, ben il faut être comme moi, avoir plein d'autos de luxe ou tu sais, faire miroiter Ben, une le pire, forme de c'est qu'il disait. rêve. Il disait même pas ça. OK. Le trois quarts de son enseignement, c'était l'annihilation de l'individu. Mais Même c'était paradoxalement, lui, il rendu. vivait dans l'opulence. Ben oui, puis il était dans sa drogue tout le temps. Puis là, il est mort du sida. Ben, à un moment donné, il va falloir se rendre compte, là. Parce qu'il y en a, sont encore là-dedans. À un moment donné, il avait trouvé l'affaire, là. Il l'avait trouvé l'affaire. C'était une cure. Je pense que c'était 7 jours de pleurs suivis de 7 jours de rire. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Après, je pense que c'était vers 7 jours de silence. Puis là, il s'était rendu, il avait tout son portrait dans le cou. Ah, il peut avoir un paquet de rituels, mais c'est sûr que le simple existence de l'effet placebo qui est opérant, on peut faire plein de choses à du monde, puis ils vont avoir un effet juste à cause de l'existence de l'effet placebo. Ben, c'est là qu'on voit qu'on est mal éduqué. On est mal éduqué parce que lui, il n'est pas supposé exister. C'est pas supposé avoir existé une affaire de même dans un monde supposément instruit. Puis intelligent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis là, il est arrivé l'affaire, ils ont fait des attentats à la salmonelle, ils ont essayé d'empoisonner du monde. C'est des attentats bi biologiques, là, pour influencer des élections en Californie, puis. Non, non, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. C'est comme là, ça se parle de ces temps-ci, il y a encore un milliardaire à Montréal, là, qu'il y a des accusations il y avait des services de des mineurs, lui. Que c'était, dans le fond, c'était illégal, là, il prostituait des mineurs. Puis là, on nous parle que quand les mineurs allaient porter plainte à la police, l'avocat du gars, il était là. Dans le bureau de police? Ouais. OK. Et en quel honneur? Ben, ça doit être un avocat genre à 10 000 piastres de l'heure, puis que les policiers sont impressionnés par lui au point qu'ils en oublient les lois, là. Toute la société, c'est de même, ça marche. C'est des animaux, puis c'est féodal. C'est ce qu'on appelle, tu sais, la hiérarchie comme dans une meute de loups. C'est ça, de la Oui, t'as féodalité. le mâle alpha, puis t'as les autres ensuite. Fait que souvent, le grand, si on peut dire entre guillemets, l'initié, là, Ben, c'est un bonhomme, il a l'air de personne. Puis il écœure personne, puis il passe inaperçu. Il se cache. Lui, c'est un vrai maître. Lui, c'est un initié. Oui, il ne sera pas Mais bon. nécessairement de tempérament exhibitionniste, là, comme les gens qu'on voit devant les caméras, que ce soit les C'est vedettes ça. hollywoodiennes, ou les politiciens ou les militants de tout acabit, là. Ben, la force, parce qu'il a intégré son expérience, il se met plus en expérience. Fait que personne ne s'en rend compte. Ben, quelque part, il n'y a plus rien à prouver. Ben, il n'y a rien, jamais rien à prouver. Ben, c'est ça. De toute façon, quand tu fais un exercice, pas pour prouver de quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu donnes plus d'importance à ce niveau-là, tu viens que tu t'en fous. Parce que des fois, le monde va me poser la question, qu'est-ce que tu penses de telle chose, rien. C'est justement parce que j'en pense rien qu'à un moment donné, on peut en parler. Parce que sinon, j'en parlerai pas. Non, mais je comprends, à ce moment-là, tu es plus détaché, tu es plus impersonnel dans ton propos parce que tu le réfléchis pas intellectuellement, égoïquement. Et c'est sûr que des fois, je t'avais posé au fil des ans la question, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Mais c'était ma formulation qui était à caractère psychologique, là. Tu sais, c'est un petit peu comme un trait de vocabulaire, comme veux-tu, tu veux-tu faire telle chose? On dit ça en québécois, tu dis deux fois le mot tu. Alors qu'en réalité, c'est veux-tu, tu sais, c'est une question de formulation. Ouais, ben, comment je pourrais dire ça? On se laisse impressionner un peu. Dans le sens que, non, quand que c'est trop. Quand les gens essaient d'être trop parfaits au niveau de la forme, ils perdent la spontanéité. Puis ça revient à penser à quelque chose au lieu de le voir puis l'observer. Dès qu'on pense à quelque chose, c'est un peu comme si on avait créé une contrefaçon. Donc, penser à quelque chose, c'est observer une copie subjective. C'est être une imprimante 3D. Le mental devient une imprimante 3D. Fait que là, on intériorise le dehors. Puis, c'est ça, se péter des cartouches. Fait que bon, mais non, dans le fond, Ben, c'est sûr que si j'aimerais. on pense, par exemple, pour en revenir au sujet de départ, les situations de crimes contre l'humanité qui sont commis là, dans la guerre en Ukraine, comme il y en avait déjà eu lors de la Première ou Deuxième Guerre mondiale, puis on réfléchit à ça, là, des gens torturés, tués, expatriés, ainsi de suite. Psychologiquement, on peut dire que c'est abominable. Mais sur le terrain sur lequel je voulais t'amener, toi, lorsque tu observes en lien avec ça, qu'est-ce que tu vois? Ben moi, ce que je vois, c'est qu'on est les méchants. Dans le sens que c'est on a laissé faire ça, c'était prévisible, c'est voulu. Mais quand tu dis on, tu t'inclus là-dedans ou exclus? Ben oui. Ben, Ben tu. je m'inclus parce que circonstanciellement, on fait partie de l'OTAN. Oui, mais je veux dire, il y a sans doute des gens qui nous écoutent, dont moi-même. C'est sûr qu'en tant que, bon, je suis au Canada, puis les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup en Belgique, en France, qui sont des pays qui sont en lien avec l'OTAN. Ça, c'est au niveau culturel, mais au niveau individuel, depuis le départ, moi, psychologiquement, je me dissocie de la guerre. Moi, je me Ah vois ouais, comme mais étant quelqu'un de neutre. individuel, il n'y a pas de on. Donc, bon, c'est pour ça que quand je dis on fait partie des méchants, là, c'est pas individuel. Mais il reste que, bon, c'est pas polarisé, bon, méchant, il n'y a rien que des méchants. Mais regarde, en Irak, quand les Américains sont arrivés en Irak, puis après, on retrouvait des enfants qui avaient été interrogés, ils étaient morts, puis ils avaient reçu des mèches de. Il y avait eu les rotules des genoux Il y avait eu des perforées par bombes des par mèches. fragmentation qui avaient été utilisées en Irak. Ah oui, mais c'est les Américains qui faisaient ça. Des Américains, au niveau de ce qu'ils ont fait, comme torturer des gens, entre autres à Guantanamo, Bon, ça, c'est pas suspect. ben, des simulations de noyade quand même. Au moins, c'est pas des enfants, David. Oui, c'est sûr qu'à ce Moi, j'ai niveau-là, vu les photos des cadavres qui ont été retrouvés à Bagdad, là, qui ont eu les rotules. Ils ont eu des mèches de drill dans les rotules, là. Mais Guantanamo sert à qu'on parle pas de ce que je te parle là. Oui, ça peut servir à faire diversion. Pendant que les gens sont occupés à dénoncer ça, ben, ils dénoncent pas qu'est-ce qu'il y a eu cours en Irak avec des jeunes enfants. Puis en effet, en termes de gravité, c'est sûr que des enfants qui sont blessés grièvement comme ça versus des simulations de noyade qui ont eu cours à Cuba, c'est très différent. À Cuba. Ben, c'est-à-dire que la base Ah oui, américaine Guantanamo, qui oui, est à Cuba, en fait, le point, c'est que les Américains en sol américain, il y a ils des n'ont pas le lois. droit. Ils n'ont pas le droit de faire des simulations de noyade, mais en Mais c'est dehors de la pareil. terre américaine, mais là, ils peuvent s'adonner à des pratiques que sur leur terrain, leur territoire, ils n'auraient pas le droit. Ça se peut-tu que les Américains ils fassent des expériences en France parce qu'ils ont pas, ils feraient pas ça aux États-Unis, puis ils font pareil au Québec, puis. Ben, on l'a vu dans le fond avec le projet MK Ultra, avec Montréal, puis un certain hôpital psychiatrique qui se trouvait dans cette ville-là, où ils ont recruté des gens, le docteur Cameron, puis tout ça, c'est documenté, là. Il y avait même une émission, c'était Enquête ou en jeu, que j'ai vu sur YouTube, par rapport à des gens qui ont subi des sévices par rapport à ça, qui témoignaient. La personne, elle est là, mettons, pour une thérapie parce qu'elle avait un problème personnel. Puis là, elle se ramasse dans un programme choc. La personne est trop. Je ris, mais c'est pas drôle, elle est traumatisée à vie. Ben oui. C'est une forme de torture psychologique. Ben Mais. là, c'est parce que, regarde là, on a même des universités que le nom des amphithéâtres pour les conférences, c'est des noms de compagnies. Ça passe par des corporations, là. C'est quoi, tu sais, là, ça parle ces temps-ci, là, la firme McKinsey. Mais qu'ils disent McKenzie, mais c'est écrit McKinsey, là. Parce que le clan écossais McKinsey s'écrit pas de même, mais bon. McKinsey, c'est quoi ça? Il y avait un contrat jusqu'à quasiment 100 ans. C'est quoi ça? Ben, C'est quoi McKinsey? c'est une firme qui commence avec la lettre M, comme le mot Machiavel ou machiavélique. Non, mais c'est quoi qui est en arrière de ça? C'est quoi les grands boss de ça? C'est des services comme la CIA. Ça passe par des corporations, des transnationales, des firmes de conseil, des affaires de même, comme Ben, là. c'est sûr que là, ça devient subtil parce que c'est intéressant à aborder. C'est-à-dire que d'un côté, tu as la firme McKinsey qui se présente comme étant une firme de consultante internationale qui aurait été infiltrée par des puissances gouvernementales, comme par exemple la CIA ou d'une manière discrète ou sournoise. Puis là, c'est eux autres qui ont une portée internationale. Bon, parlons par exemple par rapport à la gestion de la crise là, qui a eu cours depuis 2020. Parce qu'ils ont influencé les politiques qui ont été mises en place ici au Québec, mais à d'autres endroits, que ce soit la France, d'autres pays européens, que ça se standardise à niveau international. Mais on pourrait voir qu'à travers ça, il pourrait y avoir, par exemple, des instances comme la CIA ou des services secrets américains qui chercheraient à faire des études expérimentales par rapport à différentes collectivités de peuples à travers de l'ingénierie sociale qui ferait la Ben, c'est promotion. juste ça. C'est juste ça. Dès l'occupation en Europe par les Américains, bon, les Allemands s'en vont, les Américains rentrent. Ça commence, là, les expériences, puis encore plus sadiques que les Allemands. Ce qui est arrivé en France à Pont-Saint-Esprit, c'est les Américains qui ont fait ça. Donc, autrement dit, on n'a pas pris en C'est considération géostratégique. suffisamment l'avertissement qu'avait fait Eisenhower de se méfier du complexe militaro-industriel alors qu'il quittait la présidence des États-Unis. Ben oui, puis même, bon, c'est un peu comme un président qu'on parle jamais, il y a Woodrow Wilson, puis la Société des Nations, puis toutes ces affaires-là. L'affaire, c'est qu'ils font tout le temps, quand il y en a un qui fait de la sale job, puis tout, finalement, il se repent après, mais il est trop tard. Il est trop tard, puis ils nous préviennent. On dirait qu'ils ont des remords. Puis quand ils en ont un qui a de l'allure un peu, moi je soupçonne qu'ils sont capables de. Admettons qu'ils sont pas sûrs de quelqu'un, je soupçonne qu'ils sont capables de le rendre. Moi, je trouve ça spécial, Ronald Reagan, comment il est devenu Alzheimer vite. C'est très surprenant. Ben, Parce c'est qu'à la sûr fin. qu'il peut être manipulé, influencé. On peut lui donner à boire et à manger certaines substances qui progressivement peuvent affecter ses fonctions cognitives ou être exposé à des extreme low frequency. Donc, Moi, c'est plus ça, je pense. okay, ben, c'est ça. C'est qu'il y a des armes discrètes qui existent, qu'on va appeler des armes scalaires, entre autres, qui peuvent avoir un impact sur les individus, mais. C'est comme le rayonnement magnétique, on voit pas ça avec les yeux, fait que c'est très subtil. Ben oui. Ben, tu te souviens, il y avait l'ambassade du Canada à Cuba, il disait qu'il subissait des attaques par onde. Puis ceux qui ont enquêté, ils ont fini par dire, ah, oh, c'est des criquets. À un moment donné, là, c'est des criquets. C'est là que quand une explication est trop ridicule et trop grosse, là, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Mais ça, c'est une façon de faire de l'intimidation. Parce que c'est une façon d'admettre à moitié. Si je te fais exprès pour te donner une explication qui n'a pas d'allure, c'est pour intimider. C'est un peu comme quand la mafia, ils font tuer quelqu'un, puis après, c'est le gars qui a fait tuer la personne qui est en avant de tout le monde à faire l'éloge funèbre. C'est une façon de dire, ben, on contrôle tout, tout, tout, tout, tout. Ben, inquiétez-vous pas pour la veuve et les orphelins, c'est nous autres qui va en avoir soin. Ben oui, mais c'est vous autres qui avez tué le père. Ben c'est ça, c'est l'hypocrisie là, de la chose là. C'est assez honnête pareil. Pour ceux qui le voient, là. Mais pour ceux qui le voient pas, c'est une hypocrisie abominable. Ouais, ben, il reste que souvent les gens, ils vont. Le bourreau va se faire passer pour un bienfaiteur. Oui, d'où Puis. l'utilisation de la tactique problème. Ensuite, les gens demandent une solution en réaction, puis celui qui crée le problème va proposer la solution au problème qu'il a mis en place. Ben oui, puis on le voit avec un paquet de pays du tiers-monde qui ont été déstabilisés exprès. Je veux dire, une firme comme McKinsey, ils vont être là pour te donner des mauvais conseils, dans le fond. Parce que plus ça va aller mal, plus tu vas avoir besoin de leurs conseils. Donc, à ce moment-là, plus ça va légitimer leur rôle, puis plus que tu vas les payer. Ben là, en plus, ils font des contrats de 80 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est n'importe quoi. Ça, c'est rire du monde, là. Puis c'est voulu. Pourquoi Ben, ça attends une sort des minute, les médias? contrats de 80 ans, c'était avec le Québec, ça? C'est au fédéral. OK. Ben. C'était jusqu'en 2000. Voyons, là. OK. Ben Je pense quasiment jusqu'en 2100. là, peut-être ils ont le temps de voir la régence planétaire se pointer avant la fin de leur contrat. Ben oui, puis en plus, c'était 0 $. OK. Ben, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Ben, c'est-à-dire qu'il y a une autre forme de monnaie d'échange que la monnaie sonnante. Ben là, c'est sûr, si tu me donnes le. Admettons, là, que je te vends un service, puis qu'en échange de ce service-là, tu me donnes le contrôle total, je ne vais pas te charger en plus. À ce moment-là, l'argent devient futile. Ben, au lieu de donner de l'argent, tu donnes le numéro du coffre-fort, carrément. Oui, C'est donc. rendu ton argent. Ben, c'est ça, exactement. Donc, à ce moment-là, avoir de l'argent devient secondaire. Mais c'est de la haute trahison parce que ces firmes-là, c'est tout rattaché au Pentagone, à CIA, au NORAD, à l'OTAN. Ben, c'est sûr C'est un qu'il y réseau. a des possibilités d'infiltration, puis il y a des C'est budgets ça. au niveau des États-Unis, des black budgets, là, qu'on va appeler, là, à coups de milliards à chaque année, que c'est pas documenté. C'est pas les états financiers sont pas présentés d'une manière transparente aux citoyens américains. C'est incroyable aussi comment est-ce qu'ils vont récupérer. Prends quand il y avait eu les carrés rouges. Oui. Bon, t'en as deux qui sont allés en politique. T'as Gabriel Nadeau-Dubois, il est allé Québec solidaire. Puis Martine Desjardins, je ne sais plus trop quel parti. Maintenant, un troisième. Bureau Blouin, là. Il est allé où, lui? Vas-y. Il travaille pour McKinsey. Et juste à vérifier, là, vous OK. allez voir. Mais est-ce que tu irais jusqu'à dire que le mouvement des carrés rouges qu'on a connu au Québec, là, par rapport aux étudiants qui manifestaient pour comment dire, que les droits de scolarité, ça coûte rien ou que ce soit réduit, en réalité, ça serait des agents infiltrés par certaines C'est firmes des pour. manipulés, mais c'est ce qu'on appelle les réseaux néo-trotskistes des universités. C'est-à-dire. Mais ben c'est ça, c'est les réseaux néo-trotskistes des Mais c'est universités. parce que Trotsky, ça doit être en lien avec le communisme international. Non, ben c'est en lien au niveau structurel puis la façon d'opérer. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Puis ce qui passe par ça, c'est toutes les conneries qui viennent de. C'est des idéologies de déconstructionnisme qui viennent entre autres de Californie. Les affaires de woke, là, ça vient quasiment tout de l'université Berkeley en Californie. C'est par des réseaux de même que ça s'est infiltré dans les universités partout en Occident jusqu'en France. Mais ça en est de l'ingérence internationale, mais c'est super subtil, là. C'est une façon d'infiltrer, mais c'est idéologique, puis bon. Finalement, c'est du déconstructionnisme de la société d'avant. Mais c'est pour aller vers le monde, vers le mondialisme, dans Nouveau. le fond. C'est ça. Puis Mais le communisme international, dans le fond, c'est du mondialisme. C'est juste qu'ils ont changé le nom. Oui, ils ont mis ça au goût du jour, là, tu sais, c'est comme l'histoire, là, du grand reset, la grande réinitialisation, là, dont on fait la promotion de Klaus Schwab, du Forum économique mondial. À mon avis, c'est juste une forme de communisme 2.0. Vous aurez rien et vous serez heureux, comme il disait. Ben là, si tu regardes les places où ça a été appliqué, le monde n'est pas vraiment heureux. Bon, ben je veux dire, c'est ça qu'il disait au monde. Il disait, mais dans le fond, c'était finalement, il faisait des films de propagande, d'information, puis tout, puis il nous montrait que le monde était heureux. Ben oui, mais ceux qui n'étaient pas heureux, on les montre pas, c'est tout. Exactement, une sélection des faits de manière à orienter les gens par rapport à un narratif pour créer le consentement social, Ben l'adhésion c'est ça, idéologique. le bonheur communisme, c'est une vue de l'esprit. C'est pas une réalité. C'est genre, on est heureux parce que je le dis. Ça, c'est comme la Pravda, c'est ça. C'est la doxa. On est heureux, bon. Puis si tu dis le contraire, là, tu vas disparaître. On t'envoie, je sais pas, À moi, à Gagnon, Gagnon. au Québec, ou au Goulag, c'est sûr, en Europe, mais. Ben là, c'est comme, moi je comprends même pas. C'est là qu'on peut voir que les gens sont mal éduqués, sont conditionnés, sont dans un état second. C'est parce qu'il y a du monde comme Mario Dumont, avec tout ce qu'il a dit, c'est pas normal qu'il soit encore là. Il y a du monde, je comprends même pas qu'il puisse sortir de chez eux. Ben écoute, François Legault a été réélu ici au Québec en dépit de toute la gestion chaotique qu'il a faite pendant la Ben oui. crise. J'étais sûr qu'il serait réélu aussi. Bon, on peut avoir des petits doutes au niveau de la forme, mais j'étais sûr qu'il serait réélu. Puis même, il y en a des fois, il me dit, je suis pas sûr qu'il est tellement haï, ce gars-là, puis tout. Ouais, mais il y a tellement il y a du monde qui l'aime, pour vrai, puis ça va tout le temps être de même. De la même façon que Bhagwan Rajneesh, il y a du monde, là, il leur touchait le milieu du front, puis il tombait en transe, en extase, puis il tombait à terre en convulsion. C'est pas parce que Rajneesh est un être divin, là. Non, mais il y a des gens qui vont aimer en dépit de tout ce qui peut arriver. Tu sais, si tu regardes ce qui s'est passé avec Moïse Thériault, qui avait des adeptes, même une fois inculpé en prison, il y avait encore de ses anciennes femmes qui allaient le visiter, là, en dépit de tout ce qui a été accusé là, au fil du temps. Ben oui. C'est là que, bon, tu te dis, puis le pire, c'est comme, tu sais, on parlait tout à l'heure, problème, solution, blabla. Réaction, oui. Ouais, bon, ben lui, Roquemont Stériau, lui, il a commencé, c'était pour arrêter le monde de fumer. C'est niaiseux, hein? C'est un gars qui aidait à arrêter de fumer. Et là, finalement, t'es aussi bien, c'est moins dangereux quelqu'un qui dit fume, fume pas, on s'en fout. Mais là, l'affaire, moi, c'est quelqu'un qui prêche, ben là, c'est pas bien, pis ci, pis ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est vrai que, je veux dire, ça va tout le temps se servir de ce qui est vrai. C'est pour ça le danger. C'est dangereux. Oui, il y a des affaires, oui, c'est vrai, mais moi, c'est le mais. Faut qu'il y ait un mais, faut qu'il y ait un. On n'est pas pour tout mettre en deux catégories vrai-faux, puis regarder aucune nuance de rien. Ça devient comme un programme en noir et blanc. Ben, celle-là que je vais en venir, ça en vient comme un programme informatique avec des zéros puis des uns, puis une vision binaire. Puis d'ailleurs, notre infrastructure informatique qui prend de plus en plus de place en société est liée au modèle binaire. Ben oui, mais on n'est pas encore très ergonomique. On est encore au niveau de Leibniz puis de. Voyons, Blaise Pascal. Dans le sens que nos ordinateurs, on a juste réduit la taille. Mais ça pourrait quasiment fonctionner pareil, mais avec des engrenages. C'est juste que ça serait 100 000 fois plus gros. Avec des cartons perforés, là. Mais on a juste ergonomisé. C'est ça, c'est juste de la miniaturisation. C'est ça. Mais dans le fond, on n'a pas avancé. On pense qu'on est avancé, mais c'est le contexte qui a évolué, c'est pas le monde. L'être humain, c'est une affaire, je dis, bon, t'as l'Homo habilis avec sa lance, là, t'as remplacé la lance par un iPhone. Mais c'est le même cerveau. C'est la même créature. Il y a pas, lui, il n'a pas changé. C'est les mêmes instincts, c'est les mêmes réflexes, c'est les mêmes programmes, c'est la même âme. C'est ça, l'âme, dans le fond. Puis ça, l'âme, ça évolue juste collectivement. Ça évolue collectivement au niveau de l'accumulation mémorielle. Mais ça évolue pas individuellement tant que ça, l'âme. Alors là, si ça arrive, ça va être par une épuration. C'est là qu'on le voit. C'est à l'envers. Tout est à l'envers. Bien, l'épuration peut se produire à travers des guerres, entre autres des guerres mondiales, et on peut connaître aussi une épuration économique par rapport à une récession où les actifs qui sont toxiques que possèdent des gens, ça va les mener à des faillites, comme on a vu avec la crise des subprimes aux États-Unis vers l'année 2008, où des gens ont perdu des fortunes puis des maisons ont été dévaluées. Donc, tout ce que des efforts, à quelque part, va être dévalué tôt ou tard, ou il va y avoir une forme de faillite collective. C'est tellement triste parce qu'en plus, c'est voulu par des gens. Puis il y a toute une majorité qui va embarquer puis qui va être. Amené Puis. peut-être à la faillite, c'est sûr, le taux d'intérêt augmente encore parce qu'il y a eu, au moment où on se parle, des augmentations successives là, de 0,25 par la Banque du Canada dans les derniers mois. À un moment donné, le taux d'intérêt augmente, augmente, augmente avec une certaine cadence. Ben, il y aura des gens qui seront plus capables de suivre, puis ils seront plus capables de payer leur intérêt à Ben chaque là, mois. c'est ça, on pèle par en avant. Il y a 2 ans, j'ai une cousine, elle allait acheter une maison à Toronto, puis elle s'est hypothéquée pour 1 million point quelques. Puis c'est un petit bungalow, là. Puis je disais, moi j'ai dit à ma tante, parce que ma cousine, c'est rare qu'on se parle, ça fait, je pense que ça fait 15 ans que je n'ai pas parlé. Mais eux autres sont philippines, mes cousines. Puis j'avais dit à ma tante, j'ai dit, elle va finir par perdre sa maison. Puis elle a dit, pourquoi? Pourquoi tu dis ça, là? Ben, j'ai dit, il va y avoir une crise économique, il va y avoir de l'inflation, les taux d'intérêt. Je dis, oh! Sois pas si négatif, là. T'es pas Ouais. assez optimiste, là. Ben, moi, l'affaire, si je vois du négatif, puis j'en passe pour pas le vivre. Eux autres, ils vont le vivre, là. Ils vont le vivre. Bien, c'est sûr que si, par exemple, la personne a négocié une hypothèque sur un montant important à 3 % d'intérêt, puis il y a des hausses successives, puis au moment de renégocier l'hypothèque, donc si c'est un prêt qui est ouvert, un prêt variable, puis la personne renégocie à 7 %, c'est pas pareil, là. Le montant qu'elle paye à chaque mois va doubler. Si la personne a une hypothèque, par exemple, de 400 000, puis elle se ramasse à payer 900 $ de plus par mois, il y a des gens qui sont pas capables de suivre la cadence, puis ils vont être obligés Ouais. là, de faire faillite. Ben oui. Puis même là, après, tu n'auras plus jamais la même cote. Oui, la carte de crédit va être impactée, va être dévaluée, puis par la suite de réavoir un prêt, ça va prendre plusieurs années si la personne arrive à se rebâtir, sur le plan du crédit puis de la solvabilité. Ben oui. Puis là, le monde a. Oh, l'identité numérique, c'est pas si pire que ça, pis tout. Ah, oh, ouais. Parce que là, moi, je vois un parallèle avec ta cote de crédit. Ça va être ça, là. Sauf que ça va devenir ton identité. Quelque part. Ben, on a le crédit social en Chine qui a cours. Ça serait très facile avec l'identité numérique, le croisement de données, de faire le pont entre ta carte de crédit financière et ta carte de crédit sociale. Ben oui. Puis là, le vrai danger, c'est qu'à un moment donné, bon, vous aurez rien puis vous serez heureux, c'est parce que tu vas être malheureux puis ils vont te dire que tu es heureux. Puis on va Dans le te sens bourrer que, probablement d'antidépresseurs pour en venir à être pseudo ben, malheureux. si t'es malheureux, c'est toi le problème. Parce que nous autres, on est heureux. Fait que prends tes pilules. Puis si tu prends pas tes pilules, délit de stupéfiant. Parce que c'est ça qui s'en vient. Si tu prends pas de drogue, tu vas être en délit de stupéfiant. Alors, regarde là ce qu'ils font en Colombie-Britannique. Ils vont décriminaliser l'héroïne, la cocaïne. C'est quoi ça? Ça, c'est vraiment. Est bonne celle-là, là. Vraiment, là. Ça, c'est pour combattre. Le crime organisé qui arrête d'engranger des profits puis réduire les parts de marché de la mafia. Là, ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Vraiment, ça se tient pas, là. Mais ils disent pour combattre la crise des opioïdes, puis les morts, puis. Ben non. Ben non. C'est encore des décisions prises pour combattre des gens qui considèrent comme inférieurs, puis qui veulent qu'ils s'éliminent d'une façon autorégulée. Fait qu'on rend encore plus accessible, on accélère le processus. Déjà que c'est pas pour rien qu'il y a le downtown à Vancouver puis que ça existe ces places-là. C'est voulu. Parce que ça serait réglable en 6 mois. Mais ils veulent pas. Ils veulent pas le régler, le problème. Fait que bon, mais c'est parce qu'aussi les solutions, ce qui a toujours fonctionné pour régler des choses comme ça, on nous a conditionnés à penser que c'est pas bien. Donc, la répression, ça, c'est pas la bonne façon de combattre la drogue. La bonne façon de combattre la drogue, c'est de la légaliser. Ça marche pas, là. La bonne façon de combattre le crime, là, c'est pas de le réprimer, c'est de l'institutionnaliser. C'est ça qu'on nous dit. C'est parce qu'on est mené par des criminels. Mais en même temps, si je me permets de faire l'avocat du diable, la répression qui avait été adoptée au siècle dernier par rapport à l'alcool avait amené la floraison des gens qui faisaient de l'alcool de contrebande. Ça avait été fait pour ça. C'est de même que le bonhomme Kennedy est devenu millionnaire. Grâce à la prohibition. Mais il y avait de l'hypocrisie là-dedans. C'était voulu. C'est de l'hypocrisie. Tout simplement. Il n'y a jamais eu autant d'alcool qui se promenait que dans ce temps-là. Puis. Là, ils montraient, ils filmaient ça, là, puis c'est ça qui a servi, entre autres, à créer le FBI. Là, ils filmaient ça, là, les J-Men, là, les gars de Hoover qui pétaient les barriques puis qui vidaient ça des égouts. Ben oui, mais ça, c'est la diversion. Pendant ce temps-là, Hoover, lui, il s'entend avec les mafieux, puis il envoie, puis Autrement dit, il tout. Tout le s'enrichissait. clandestin. Ouais. C'est juste on met clandestin le réseau pour qu'il soit encore plus rentable, puis ça fait monter les prix. Parce que là, la bouteille de whisky était bien plus chère après la prohibition qu'avant. C'est ça le but de la prohibition. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est de la psychologie inversée. Puis, bon, finalement, comme Eliot Ness, puis les incorruptibles, puis ça, c'en est de la mythologie. C'est de la mythologie. Puis là, ça a servi de prétexte aussi pour créer la commission des liqueurs au Québec. Puis aujourd'hui, bon, quand il y a eu la pandémie, là, t'as pas le droit d'aller t'acheter des mitaines quand il y a eu le confinement, mais la SAQ puis la SQDC sont ouverts. Puis Il n'y a personne qui regarde ça avec un pas de recul pour dire, mais ça me semble, ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est Ben Valeur. Quand il y a eu ça, là, j'avais pas besoin de mitaines. Mais admettons, là, j'aurais eu une famille avec des enfants, puis je vais aller m'acheter des mitaines, puis qu'ils ne veulent pas, j'aurais fait un esti de crise. Ils m'en auraient vendu des mitaines, ça, je te le garantis. C'est sûr. Disons À un qu'il y a une moment. gestion des priorités particulières qui a été faite. Donc, c'est parce que, en tout cas, ça me fait voir un peu comment qu'on est manipulé, puis ce qui est priorité pour certains ne l'est pas pour d'autres, et ainsi de suite. La priorité, c'est tout le temps, dans le fond, le contraire de ce qu'ils disent. Dans le fond. Puis, quand ils te mettent une priorité, c'est une diversion. La priorité, ce qui va être mis de l'avant, c'est tout le temps une diversion, tout le temps. Puis, c'est quoi donc qu'il a dit l'autre jour? Pierre Trudeau, il a dit. Il dit, oh, les Québécois sont insultés par la dame qu'il avait nommée, là. Parce que ça, c'est de la faute à l'Église catholique. As-tu vu le transfert? C'est n'importe quoi, là. Juste ça, là. Il mérite de recevoir des roches par la tête. Ne nous affolons pas. C'est sûr, je Oh, n'inciterai pas ben les là, gens je suis à pas agir sûr. de Non, je suis manière pas sûr, je veux littérale, dire, là, c'est une mais façon de parler. Il y a c'est une sûr qu'il polémique. mérite d'être contesté, Trudeau, là. Mais là, tu faisais référence, c'était-tu par rapport à l'incident, là, lié aux mosquées qui avaient été attaquées, là, à Québec, là? Bon, ben non, c'est parce que là, il a nommé une femme pour faire des ponts OK. entre les communautés. Une dame, une musulmane, là. Puis là, les gens, ils voulaient qu'elle démissionne. Parce que là, c'est bon. Parce qu'elle avait déjà dit que les Québécois, c'était des islamophobes. Puis lui, il est allé dire, je comprends que les Québécois, ils veulent pas de cette dame-là parce qu'ils sont méfiants à cause qu'ils ont subi le catholicisme. Là, il a fait un transfert. C'est de la manipulation grossière, ça. Ben oui. Pourquoi les Québécois sont islamophobes? Ça sort d'où, ça? Ça, c'est quand il y a eu l'affaire des accommodements raisonnables. Puis qu'ils ont fait la commission Bouchard-Taylor. Puis que les conclusions de la commission Bouchard-Taylor, c'est que c'est pas qu'on est dans une démocratie, les Québécois veulent pas de certaines choses, donc étant dans une démocratie, on va s'arranger pour que la volonté collective du peuple soit respectée. Non, non, c'était les Québécois, c'est des ignorants, puis il faut les éduquer. C'est C'était ça, les ça, une conclusions de la commission. perspective moralisatrice pour dire aux gens qui sont pas corrects, en mettant des gants blancs, en disant, ah, ils n'ont pas assez d'éducation, on va leur montrer comment ça marche. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire. C'est parce que les Québécois sont plus civilisés que d'autres qui viennent d'ailleurs, qui sont de même. Désolé. Désolé. Mais c'est ça. Puis on n'a pas à s'excuser. Puis on n'a pas non plus accepté de se faire traiter que c'est de la haine. C'est pas de la haine, c'est de la lucidité. Puis il n'y a pas de parallèle à faire avec l'Église catholique. Ça n'a rien à voir. C'est complètement autre chose. Parce que là, c'est vraiment, ça a vraiment, vraiment, vraiment rien à voir, là. Parce que là, Trudeau s'en va dire, ah, ben c'est normal, c'est parce que ça, c'est à cause de l'Église catholique. Fait que les Québécois sont intolérants à cause de l'Église catholique. Bon, il a trouvé C'est. l'explication qui fait son affaire pour mettre de l'avant son agenda, puis discréditer là, certains Québécois à travers Puis ça. lui, son parrain, c'est la Laguicane. Il est un chef religieux, multimilliardaire. Non, non, non, non, non, non, non. C'est de la crosse, c'est un menteur, c'est un crosseur, c'est des pourris, c'est des mangeurs de marde, c'est des manipulateurs. François Legault, il sert aussi du nationalisme pour détourner l'attention. Comme le chemin Roxham, s'il voulait demain matin, il pourrait former ça. Là, il faudrait que le Québec se crée une police de l'immigration au sens de la nationale. Un peu comme la Sûreté du Québec, c'est pas à GRC à gérer ça. Il y aurait moyen. mais ils n'ont aucune volonté politique réelle de faire quoi que ce soit parce que ces problèmes-là, ils s'en servent, ça les sert et ça sert à instrumentaliser et à manipuler l'opinion. Puis ça fait leur affaire. Puis en même temps, ben c'est sûr, c'est des gens ici qui proviennent d'une manière irrégulière de d'autres pays. Ça sert l'agenda mondialiste qui vise à amener le multiculturalisme là, un peu partout, là, des gens de différentes cultures qui sont censés cohabiter paisiblement dans les pays, là. Ce qu'on nous dit qui est la visée, mais dans les faits, il peut y avoir des conflits interculturels qui se produisent là, Ben là. naturellement, puis de la division, puis de la discorde à travers des gens, puis ça peut éroder le nationalisme. Ben, c'est parce que c'est comme il y a 10 ans, il avait dit, ben là, on va mettre de l'avant le vivre ensemble. Puis là, on est encore le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble, le vivre ensemble. C'est un mantra, là. Puis c'est Ben pas oui. réaliste. Puis Ben là. l'hypocrisie derrière ça, c'est qu'au nom de l'inclusion, on va exclure plusieurs personnes de la majorité, puis on va les traiter d'intolérants. Ah oui. Puis la diversité, au nom de la diversité, on va mettre des choses qui sont incompatibles ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Mais non, faut que tu fasses un choix, là. C'est incompatible. Point. C'est comme. Ben, j'avais vu en Europe, dans un pays du nord de l'Europe, là, je ne me rappelle pas précisément lequel, il était question que d'un côté, ils font la promotion avec le mouvement woke, les transsexuels, etc. Puis en même temps, il y a des gens qui sont des fanatiques intégristes religieux qui viennent du Moyen-Orient qui vont là. Fait que là, tu mélanges des gens qui font la promotion des transsexuels, des droits des homosexuels, toutes les très woke, avec du monde hyper conservateur, puis tu sais, qui vont avoir du mépris par rapport à ça, puis tu essaies de les mettre ensemble pour le vivre ensemble. C'est parce qu'à un moment donné, ils vont l'avoir le vivre ensemble. Les gouvernements, ils vont l'avoir le vivre ensemble, mais ce ne sera pas le vivre ensemble qui s'imagine. Parce que si ça continue, les catholiques canadiens français vont se mettre à se mettre d'accord avec des intégristes musulmans sur ce qui les rejoint. Puis ils vont être en gang contre eux autres. Contre Legault, contre Trudeau. C'est ça qu'ils vont finir par avoir. Là, ils vont avoir le prétexte pour dire terroriste domestique. Dérive sectaire, Ouais. endoctrinement, puis là, il va y avoir un peu comme en Europe, ils sont pires qu'au Québec, là, tu sais, ils vont voir de la dérive sectaire un peu partout, puis ils vont discréditer des mouvements, puis comme tu l'avais déjà mentionné un jour, tout ce qui est même la conscience supramentale, éventuellement, ah, non, potentiel de dérive probablement qui va être évoqué si ça prend de Ouais. l'ampleur. Puis les gens qui ont une certaine spiritualité, là, sont occupés, puis c'est voulu, hein? C'est voulu, ils sont occupés à se battre entre eux sur des notions, des questions qui sont superficielles, que c'est n'importe quoi. C'est du vent, c'est des affaires, on s'en fout, là. Je veux dire, pas comme là, la chicane, là, les cédévacantistes, puis les conciliaires, puis d'après moi, il y en a, ils se réveillent en pleine nuit, en soir, puis ah, faut organiser un mariage entre la salière puis la poivrière, ils vivent dans le péché. Fait que là, c'est ça, noyer le poisson, là, à un moment donné. C'est parce que tant qu'on va accrocher sur des détails puis qu'on n'aura pas de vision d'ensemble, ça va continuer comme ça. Mais c'est aussi bien, je veux dire, c'est à force de le subir, peut-être. Il va y avoir une Mais. saturation expérientielle, mais peut-être qu'un peu comme le phénomène de la guerre en Ukraine, à force que des gens vont souffrir de la guerre, puis les peuples s'appauvrir en les finançant cette guerre-là, parce que l'Ukraine est entretenue là, quand même depuis environ un an artificiellement, sous le poumon économique là, des Américains ou autres, qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont se réveiller. Ben, moi j'ai bien hâte parce que c'est clair qu'à un moment donné, il y a des affaires, ça ne peut pas faire autrement que mal finir. Bien, surtout qu'on Puis. est en période d'escalade. Parce que ça, je me dis, après les chars d'assaut, après les missiles longue portée qui sont acheminés à l'Ukraine, ça va-tu être la bombe nucléaire, la prochaine Ben étape là, à un qu'on moment va leur donné, c'est parce que donner? ça va être officiel. Bien, c'est Si le ça. monde y pense que le Canada n'est pas en guerre, là. C'est parce qu'ils sont naïfs. Tu sais, c'est un peu comme t'es heureux parce que je te le dis, fait que nous, on n'est pas en guerre parce qu'on nous le dit. On est en guerre. On est en guerre. Mais on est encore dans la phase de déni, puis oh non non le Canada, on est là, on donne des blindés, mais tu sais on est là pour les former, donner de l'aide humanitaire, accueillir des Ukrainiens, on a une grande charité, une grandeur d'âme, on est une terre d'asile, d'accueil, d'ouverture. Ouais. Ben, y a asile pis y a asile. Ben dans le sens folie aussi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on est une terre d'asile. Mais là, c'est genre pas celui où on va se réfugier. Mais finalement, c'est rendu tellement pire ailleurs. Mais il y a des choses que, même il y a 10 ans, qu'on savait que ça arriverait. Il y avait aussi des alliances bâtardes qu'on voyait, que c'était lié à des intérêts, puis on le savait comment que ça allait finir. Mais c'est que c'est tellement long, des fois, c'est d'attendre, puis c'est long. C'est long avant que ça se consomme, ces divorces-là. Parce que là, le temps que ça arrange tout le monde, bon, OK, puis là, après, il y a aussi des conflits que c'est des shows, c'est des diversions. Mais bon, finalement, on a affaire juste au niveau de ce système-là, mondialiste, qui est partout. Puis là, au niveau des guerres d'information, puis de l'infiltration au niveau social, puis finalement, il n'y a aucune réelle dissidence nulle part. C'est toutes des fausses dissidences. Il y en a qui sont bien surpris. Ils voient, quand il y a une fausse dissidence, elle a perdu une certaine crédibilité, ben là, il va y avoir des conflits, ça s'arrange que les intérêts font que bon, puis là, il y en a qui plient, puis Puis là, on va mettre de il y a l'avant une des autre chicanes. dissidence. C'est-à-dire que si on ne prend pas un train, comme tu l'avais déjà dit en enregistrement, on va te présenter un autre train jusqu'à temps qu'on te fasse embarquer dans une forme qui va te détourner de toi-même, puis on va te C'est mener en ça. bateau. Mais c'est sûr qu'on l'a vu un petit peu la dérive avec certains lanceurs d'alerte ou qu'est-ce qui s'est passé au Québec avec Éric Duhaime qui se présentait comme la dissidence. Au gouvernement de François Legault, puis à son régime, avec son adage libre chez nous. Puis finalement, ben, ça a été une voie de garage, ça n'a pas abouti, puis François Legault C'est s'est mis les au mêmes qui ont pouvoir. envoyé le monde dans cette voie de garage-là que dès le lendemain, ils traitaient de traître. Curieusement, hein? Ben là, parce que moi, j'avais dit au monde de ne pas embarquer là-dedans. J'ai dit, ça marchera pas, là. Mais bon, au moins, il y a toujours moyen de s'entendre, comme quand Pierre Fitzgibbon, il dit de prendre notre douche à deux. Bon, ben, il va pouvoir s'entendre avec Duhem. Tu sais, je veux dire, c'est rendu à ce niveau Ils de pourront prendre ridicule-là. la douche ensemble. Ben là, Ou les jovialistes vont être contents, ils vont prendre la douche à plusieurs. moi, ben, malgré que, bon, dans le fond, Non, non, je fais des farces, là. bon, pour ce coup, mais l'affaire, c'est que plus ça va aller, ben, plus on va le voir. Je veux dire, c'est un peu comme je regardais il y a une douzaine d'années la dissidence en France. Parce qu'eux autres, ils étaient en avance un petit peu au niveau de certains troubles sociaux. Puis je regarde ça. Je regarde ça. Puis là, je trouvais ça. Eux autres sont plus politisés un petit peu, puis bon, sont plus proches du Maghreb, du Moyen-Orient, puis bon, c'est sûr que c'est pas tout à fait le même contexte, mais je regarde ça. Puis là, il y avait ce qu'ils appelaient la dissidence. Puis moi, ce que je voyais là-dedans, c'était des arnaques. C'était du commerce, c'était bon. La C'était un peu comme. pseudo-dissidence. Oh, ce que je voyais là-dedans, c'était une forme de. Bon, il y avait une clientèle, puis il y avait du monde qui exploitait des parts de marché, si on peut dire. Donc, à cause de la grogne ambiante. Puis je voyais des couples bâtards se créer. Puis je regarde ça, puis je me dis, c'est évident que ça va finir en divorce Ben oui, mais quand fracassant. tu regardes, mettons, Éric Duhaime avec le Parti conservateur, puis tu as Anne Casabonne qui est associée à la gauche, parce que c'est une artiste traditionnellement, qui va rejoindre un gars qui est très à droite. C'est comme un mariage impossible, là, Ben au nom oui, de la c'est là qu'on liberté peut voir que. individuelle. Ouais. Puis bon, quand tu vois une affaire dans la main, tu peux te douter que c'est fauné les deux. Mais c'était un peu comme. Voyons. Prends Lucie Laurier. Bon, juste pour en nommer. Bon, j'ai rien contre elle, puis tout, mais étant donné un paquet de détails, ben moi, j'y croyais pas. peux pas. Mais là, c'est pas dur pour moi, je crois personne, rien. Mais là, tu sais, c'est parce que l'affaire, bon, c'est une des ex à pick-up et puis. Je sais pas, ça marche pas, là. Ça marche pas. Puis là, par après, il y en a que, bon, fait que finalement, bon, l'affaire, c'est pas qu'elle est sincère ou pas sincère. Moi, ce que je dis de regarder, c'est au niveau technique, c'est que ça sert pas. Ça a rien fait. Ça sert à rien. Ça nuit. Ça nuit, même. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est eux autres qui sont devenus des porte-parole. Ben moi, je veux pas avoir ce monde-là comme porte-parole. Je veux rien savoir. Pas des hosties d'artistes. Non, mais c'est ça. Jamais. C'est que dans le fond, C'est leur job, hein, d'être des paravents. ben c'est ça, des paravents qui sont orientés par ceux qui tirent les ficelles, donc ceux-là qui tirent les ficelles pour l'agenda officiel versus la pseudo-résistance, donc l'opposition contrôlée, pour orienter les gens qui pourraient ébranler réellement le système d'une manière à les détourner de leur actualisation, puis les amener sur une voie qui est sans issue et qu'ils contrôlent. Ben oui, puis c'est pour ça qu'on dit le début, eux autres, non, je m'excuse, ça marche pas. En plus, celle, ben c'est comme je regarde la famille à mon père. Dans la famille à mon père, il y avait une de ses cousines, elle a été courtisée par quelqu'un qui était lié au théâtre des variétés. Dans le temps, là, que je nommerai pas. Puis elle s'est fait donner un ultimatum par la famille, genre, c'est si t'es en couple avec ce gars-là, on coupe les ponts, là. Parce que les artistes, c'est lié au monde interlope, puis c'est tous des trous de cul, puis c'est tous des pourris, puis c'est tout de la merde, puis on veut rien savoir. Puis ça compte tout le temps été ça dans la famille. Comme il y a une cousine à mon père Mais qui c'est une est une actrice généralisation, là. connue. C'est sûr qu'on peut mettre des nuances, que là, Ouais, tu mais parles de c'est la le même. classe, de la Moi, c'est le gamique, même dans des ma famille. artistes C'est de genre, on prend TVA, pas de puis... chance. On prend pas de chance. Comme il y a une cousine à mon père, c'est une actrice que, bon, à cette heure, elle est plus connue comme elle était, mais elle était connue, puis elle avait un chum, mais c'était un chanteur, puis un autre de ses cousins, que lui, c'était un acteur, mais finalement, il a fini, il faisait plus du doublage. Mais eux autres, moi, j'ai jamais eu connaissance de ces deux-là, parce que dans la famille à mon père, dès que tu es dans ce domaine-là, on ne te parle plus, puis on veut rien savoir. Mais là, c'est T'es très catégorique, c'est très strict, là, ouais. C'est le même. Ah oui, c'est le même. Mais moi-même, je suis le même. Mais justement, je voulais en venir. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de conservateur, de droite plutôt que de gauche? Pas vraiment. Mais oui, plus que de gauche. Mais il reste que cette polarité-là, je pense, a été créée pour diviser, justement. Des fois, il y a des situations, c'est une question de discernement. Des fois, c'est une solution de gauche que ça prend, plus que de droite. Puis d'autres fois, c'est plus de droite que de gauche. Mais il reste qu'au niveau de ma personnalité, j'ai tout le temps été plus de droite, là. Puis même, j'ai tout le temps été de même. Dans le sens que même très, très jeune, là, je pensais de même, Parce que là. Même mes j'écoute. professeurs ne m'aimaient pas. Ouais. Mes professeurs me considéraient comme d'extrême droite, là. Carrément. Puis ils savaient ce que je pensais. Parce que j'étais arrivé à l'école, c'est dans le temps que, bon, ils avaient créé comme FPS, des affaires qui n'ont pas d'allure, c'était le temps des réformes, puis la Formation personnelle répartition. et sociale comme cours, là. Bon, oui, c'était des réformes, puis moi, je dis, c'est des niaiseries. C'est des niaiseries. La moitié de la classe, ils sont pas capables, ils ont de la misère avec leur participe passé, puis on est là à parler de l'ancienne Égypte. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est quoi ça? Puis moi, ils m'ont tout à considéré comme un cas problème, mais j'ai tout à considéré que c'était pas moi le problème. Parce que ce que je disais, démontrez-moi par l'argument que c'est faux ce que je vous dis, puis ils n'ont jamais été capables. On va pas à l'école pour apprendre qu'il y avait du lesbianisme dans l'ancienne Égypte. C'est pas à ça que ça sert. J'étais en tabarnak. Tout le Christi de tout ce qui a amené avec les réformes, puis les histoires de réformes, puis ça, là, c'est l'éducation, c'est à la maison, l'instruction, c'est à l'école. Le ministère de l'Éducation, c'est un non-sens. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça, moi, ça a été la guerre dès le début, dès la première année. Parce que quand je voyais de quoi qu'il n'y avait pas de bon sens, en mon sens, je trouvais que ça n'avait pas d'allure, je le disais. Puis là, moi, c'était prouve-moi que c'est pas vrai ce que je te dis. Ils sont pas capables. Puis après, ils m'envoyaient les psychoéducateurs, puis les psychologues, puis c'est tout du monde qui est influencé par Osho. Des affaires de même. Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés par les forces plus de gauche, qu'on va dire, ou progressistes, mais la lecture que tu en fais souvent au fil de tes enregistrements, parce qu'à chaque fois qu'il y a comme des nouveautés, moi j'ai l'impression que tu es tout le temps comme sceptique ou si t'es garde ou essayer de voir Ben s'il y a oui, un mais gain est-ce-tu tout réel ou croche. c'est pas réel? Quand tu as quelque chose qui a fait ses preuves pendant des siècles, fais bien attention au nouveau que tu m'amènes, parce que est-ce que ça t'offre le test du réel? Oui, mais en même temps, il faut donner la chance aux coureurs aussi. Non. Pas quand ça fait 60 ans que tes réformes, ils font que le niveau, il baisse, puis il baisse, puis il baisse, puis il baisse. On l'a donné, la chance. Puis ça marche pas. Pourquoi c'est tout le temps une fuite vers l'avant? Pourquoi il continue? Parce que c'est sûr qu'il y a des forces évolutives derrière certaines réformes, certains éléments qu'on nous présente comme étant du C'est parce progrès. qu'il y a du monde qui ont intérêt à ce qu'on soit mal éduqué, qu'on soit naïf, qu'on ne sache pas lire ni écrire, qu'on soit des épais. Pourquoi? Pour qu'on vote pour Legault, pour qu'on vote pour Trudeau ou pour n'importe quel autre guignol qu'ils vont nous mettre. C'est ça le but. Mais une Donc, fois qu'on sait ça, ouais. là, on est coupable de se laisser faire, puis au moins de rien, il faut dire quelque chose au moins. Puis ils ont d'affaires à me démontrer par l'argument que c'est pas vrai ce que je dis, puis ils n'ont jamais été capables. Ça a hypothéqué toute ma vie. Mais à mes yeux, j'aime mieux vivre dans dignité puis être dans marbre que d'être une putain. Puis c'est là où moi, le choix, il a même pas eu de choix, là. C'est une question de nature. C'est une question de nature. C'est de l'hostie de bullshit, c'est toute de la marde. C'est pas réel, ça t'offre pas le réel. C'est comme, là, il y en a ici, ils vendent des patentes en vrac, une petite épicerie, puis sont allés mettre le drapeau, là, le nouveau, là, qui a du mauve dedans, le GBT patente cossin, ils Q sont allés plus, mettre ça là. dans la vitrine, Ah ouais. oui, parce qu'il y a des Fait nouvelles que moi, je rentre plus catégories. là. Ils auront jamais une crise de scène de moi. Mais là, tu fais de Soit la tu fais du commerce, soit tu fais de la discrimination. police. Certain que j'en fais. Puis c'est pas envers des minorités sexuelles que je fais de la discrimination, c'est envers des idéologies irrationnelles. C'est tout de la politique, ça vient de Californie. Ça vient de l'Université Berkeley en Californie. Puis ça n'a rien à voir avec nous autres. Ça a rien. Ils font de la politique. T'es un commerçant ou un politicien, là? Bien, il y en a qui sont les deux, un peu comme les artistes qui sont engagés avec un discours politique puis un agenda. Ouais. Justement. Fait qu'ils n'auront jamais une scène de moi. Je préfère aller ailleurs puis payer 10 fois plus cher. Puis encourager, je vais encourager des commerces honnêtes. Parce que ça, c'est pas honnête, il y a une idéologie. On essaye de me vendre une idéologie. Je ne vais pas acheter une idéologie. Tu sais, si je lui dis, OK, mais dans ton autre fenêtre, mets donc un drapeau du Sacré-Cœur en soutien à la famille traditionnelle, ils vont dire, ben non, je fais pas ça. Ben pourquoi ça c'est correct et ça c'est pas correct? Explique-moi ça. Puis là, ils sont pas capables. Non, non, monsieur, je vous demanderai de sortir. C'est ça que je vais me faire dire. À chaque fois que j'ai arrivé dans ma vie devant du monde, je dis, ben argumente-moi-le puis prouve-moi-le que j'ai tort. Monsieur, je vous demanderai de quitter. Mais c'est parce que t'es pas en Europe. Ici au Québec, les gens ont horreur du débat. Les gens ont une culture C'est consensuelle. pareil en Europe, ils ont eu autant de censure, pas mal. Ils ont Ben, eu de la censure attends une minute, attends pareil. une minute, attends une minute. Je suis pas. Gars, là, ils n'ont même pas réengagé les non-vaccinés dans le personnel soignant en Europe. Puis, ils sont rentrés à l'ouvrage. Parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Ben, eux autres, Mais. ils tout. Oui, mais Le monde, attends. il crève dans les couloirs. Ben, attends une minute, attends une minute. En Europe, de ce que j'ai vu, puis des échanges que j'ai eus au fil du temps, ils ont plus une culture du débat, de l'argumentaire. Oui, Tu as mais ça des change-tu pas au bout de la philosophes ligne? comme Michel Onfray qui vont intervenir sur des plateaux. Michel Lomfrey, c'est un astide sans dessin. Je dis pas que c'est un génie, mais C'est un crisse d'imbécile. Lui, son hédonisme, là, ben, qu'il se le fourre dans le cul, puis il va aimer ça. Maudit crisse d'idiot avec son université populaire, qui mange de la merde, Michel Lomfrey. C'est un des pires imbéciles que j'ai jamais vu s'exprimer d'une TV. Si c'est pour ça la liberté d'expression, puis que le débat qu'on nous fait, puis le droit au débat, c'est tout le temps des imbéciles comme lui.

Ah non, ben ça, c'est comme quand j'étais jeune, un de mes loisirs, quand j'étais pas content, c'était d'aller sacrer des coups de poing dans des troncs d'arbres. Ça fait des micro-fractures, fait que j'ai les os solides. Parce que pour se réparer, ça, les os épaississent. Mais là, je m'attendais pas à faire ça, va falloir que je le répare. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mon fauteuil. Mais bon. Ah non, va falloir que je le répare. Mais je m'attendais pas à le casser d'un petit coup comme ça, là. Ben, des fois, l'impulsivité associée à l'énergie, quand tu as une montée en énergie, puis ça s'extériorise, là, ça fait éclater des formes, pas juste au niveau de la parole, mais au niveau littéral, là. Ouais, ben elle est là, c'est ça, là. Mais bon, elle est. Comment je pourrais dire ça? C'est pas. Le monde va voir ça comme de la physique, ce qui va faire que, ah bon, tu concentres une pression en un point, puis. Maintenant, ceux qui s'intéressent, par exemple, les arts martiaux, ben à un moment donné, ça défie la physique. Ça défie l'entendement. C'est-à-dire que dans ton mouvement, il n'y a pas juste la force physique que tu mets, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Tu peux traverser un crâne avec un doigt. Si c'est fait comme il faut. Mais c'est ça. Là, des fois, bon, on fait des. Bon. Bon, ben, je pense que. Il faudrait que je songe à arrêter, là. Oui, non, mais c'est bien correct, là. compte tenu de la situation. Écoute, en complétant cet enregistrement, je voulais juste en revenir sur un détail, parce que je voulais, par rapport à la notion de karma, comme on dit, boucler la boucle en bon québécois, parce que c'est une notion qui avait été présente dans le domaine du nouvel âge, de la croissance personnelle, même dans l'instruction supramentale, il y avait eu Bernard de Montréal qui en parlait. Donc pour toi, l'idée qu'il existe une forme de karma dans le sens que tes actions du passé auraient un impact sur le futur, que ce soit le passé dans ton existence présente ou dans ton passé, même avant que tu existes, là. Est-ce que pour toi, ça a une forme de réalité ou non? Oui, ben OK. oui, mais c'est des lois de conséquence. C'est pas, je le vois pas comme les gens spirituels le voient, mais pour moi c'est une évidence pareille. Pour moi la loi karmique c'est très très concret. C'est comme, ben je sais pas si tu passes tes journées à tirer sur des silhouettes avec des jeux vidéo, des silhouettes humaines. Ben, sans t'en rendre compte, tu te coupes de quelque chose, puis ça va avoir des conséquences plus tard au niveau de ta sensibilité. Ça Bien, en il y est a ça des de la gens qui loi karmique. vont dire que l'utilisation massive des jeux vidéo amène une désensibilisation systématique auprès de la jeunesse par rapport à la violence, puis ça en vient à la banaliser ou normaliser, qu'on va rester indifférent devant des scènes de crime éventuellement devant soi ou autre. Ben, c'est un peu comme si tu passes ton temps à voler du monde. Tu te coupes de quelque chose. Fait que ça change ta vibration dans le sens que ça peut influer sur l'événementiel après, au niveau de ton expérimentation. Fait que bon, c'est ça pour moi, la loi karmique, c'est des lois de conséquence, c'est mécanique. C'est pas lié au mérite ou à la morale. C'est lié à une mécanicité puis des conséquences, des lois de conséquence. Comme si tu vas te baigner dans la fosse septique, tu vas être sale. C'est un peu ça pour moi, la loi karmique. Si tu t'endors au milieu des chiens galeux, tu vas travailler avec des puces. Mais c'est une affaire de mérite moral ou c'est mécanique? C'est une question de discernement. Tu sais, c'est. Fait que l'affaire que le karma qui devient quelque chose de suspendu au-dessus de notre nuque, un peu comme une force morale qui punit, ça, je crois pas à ça. T'sais, toute la notion du karma, comme il y a dans l'hindouisme et le bouddhisme, ça, je crois pas à ça. Parce que ça engendre de l'inconscience, puis on voit que c'est spirituel niaiseux un peu, là. Tellement que il y en a dans certains pays qui maltraitaient leurs enfants en disant ben c'est bon pour sa prochaine vie. Parce que ça va épurer son karma. Ben là, moi, je trouve ça vraiment con. Même c'est de l'inconscience totale, là. C'est niaiseux, c'est pas intelligent. Puis c'est aussi stupide que les pensionnats catholiques où les enfants étaient battus à coups de règle. En disant c'est bon pour leur âme. Bon, Oui, va ton falloir j'y choc est aille. bel. Mais juste en venir à la notion de karma, parce qu'entre autres, il y a eu Bernard de Montréal qui avait donné l'exemple dans un enregistrement que j'avais écouté. Il mentionnait qu'il y avait une femme qui avait un enfant et elle était en train de donner le bain à son enfant et la femme avait reçu un appel téléphonique qui a fait qu'elle s'est absentée de l'enfant et l'enfant est mort noyé. Et Bernard, lui, ce qu'il a dit, c'est que c'était pour, de son explication à la femme, d'équilibrer son karma que son enfant est mort, parce que peut-être que dans une vie antérieure, la femme, dans le fond, était impliquée là, au niveau karmique par rapport à... Ou l'enfant, en fait, il est mort parce que dans la vie antérieure qu'il aurait eu l'enfant, il aurait procédé au meurtre d'enfant. Fait que là, il aurait connu la même situation pour équilibrer son énergie. Bah, ça, on entend ça. Moi, mes yeux, c'est de la rationalisation. Parce que je peux pas considérer un affaire de même comme. C'est une façon qu'on a de donner du sens à des événements douloureux. Puis bon, c'est peut-être pour alléger cette dame-là, je le sais pas. Mais il reste que c'est une question de discernement. Puis le karma, c'est qu'elle a manqué de discernement, puis son enfant est mort, puis là, il faut qu'elle vive avec ça. Exactement, mais la façon que je vois ça, c'est que ça soit réel ou pas l'explication qu'il a donnée, c'est que si la personne a dit OK, là je comprends pourquoi que l'enfant est mort, puis s'enlève un poids de culpabilité en disant que l'enfant il est mort pour équilibrer son karma, parce que dans d'autres vies, il aurait tué des enfants. Ben franchement, je trouve ça niaiseux. OK. Puis je peux pas croire à des affaires de même, parce que c'est trop facile, là. Parce que là, si on se met à penser de même, on est fait, là. On est fait. On va dire, ah, ben peut-être que les victimes qui ont été torturées des heures de temps par Ted Bundy dans d'autres vies avaient fait pareil. Puis là, au niveau de la conscience, depuis quand que la conscience puis l'évolution, c'est de répéter? C'est depuis quand que l'évolution, c'est une persistance dans l'erreur, puis un transfert de l'inconscience. Il y a quelque chose là-dedans. C'est pour ça que je considère que si on regarde Bernard, il faut prendre le contexte, le fait qu'il est arrivé à une certaine époque où les gens étaient très, très spirituels, puis pendant des siècles, ils avaient été conditionnés à se culpabiliser puis à donner un sens spirituel à leur vécu. Donc, bon, peut-être que, tu sais, tu peux pas enlever ça d'une shot, là. Non, Faut non, que c'est ça. sûr qu'on ne peut pas faire abstraction du contexte, mais en tout cas, je voulais t'amener cette explication-là en lien avec le karma parce que ça donnait comme un sens à la souffrance vécue de l'enfant qui est mort. Donc, puis à travers ça, ben c'est sûr que si la femme a dit « Ah, c'est le karma », puis ça lui permet d'arrêter de se sentir coupable ou se libérer d'une charge émotionnelle, cette croyance-là, que ça soit réelle ou pas, ça occasionne chez elle une forme de libération. Ouais, ben c'était peut-être ça qui pour cette fonction-là, pour pas que la personne en souffre pour rien. Mais il reste que dans les faits, c'est plus simple que ça. C'est-à-dire la personne, faut qu'elle l'intègre du réel. Donc, à un moment donné, tôt ou tard, elle n'aura pas le choix de faire face à ça. Des fois, vivre avec la culpabilité. C'est parce que ça bloque, hein, parce que t'as pas intégré que. Donc, la personne, à un moment donné, on veut y éviter de la culpabilité en donnant un sens à sa souffrance. Mais à un moment donné, le meilleur moyen de se débarrasser de la culpabilité, c'est de se savoir. Puis de se rendre compte que, oui, j'ai manqué de discernement. Mais c'est pas, on peut pas se culper. Faut se pardonner à un moment donné. C'est ça, surtout que la personne ne peut pas changer le passé. Par contre, dans une optique de donner un sens à sa souffrance, c'est un peu comme la logothérapie dont a fait la promotion Viktor Frankl, ça part une certaine fonction. Ouais, ben c'est sûr. J'ai l'impression que c'est pour la fonction. Des fois, on va choisir un moindre mal si la personne n'est pas prête à voir ça comme c'est. Bon, en attendant, on peut dire ça, puis ça allège quelque chose, puis ça fait que ben ça va peut-être s'intégrer plus tard, parce que là, il y a un blocage qui n'est pas là. Mais il reste que. Tu sais, je peux pas dire. Si on dit bah ben la personne, c'est à cause sa vie d'avant, puis. Ben oui, mais c'est pas le même ego. Mais c'est la même âme. Ouais, mais l'arme, elle, n'est pas responsable. Pourquoi ça se transférerait? Il y a quelque chose là-dedans. Oui, au niveau d'une mécanique d'évolution d'arme, OK. Mais pas au niveau d'une culpabilité comme nous autres, on l'entend, au sens de faute. Non, non, je ne sais pas au sens moral, mais je veux dire, si l'âme, dans le fond, qui habitait un corps, en habite un autre, il y a quand même une continuité à ce niveau-là. Parce que l'affaire, c'est de la conscience, ça va tout le temps être lié à l'élargissement de l'expérimental. Parce que, bon, c'est le même que ça marche, une planète expérimentale, puis l'incarnation, puis tout. Donc, la multiplicité des vécus dans une largeur bon, ça veut s'élargir au niveau de l'expérimental. Donc, pour qu'il y ait plus de conscience, faut pas juste que tu aies du monde de bonne humeur, faut que tu aies du monde heureux, faut que tu aies du monde malheureux aussi. Mais là, on n'est pas pour se servir de ça systématiquement pour justifier des affaires abominables. Dire, oh, ben, ça doit être la vie d'avant. Il y a quelque chose là-dedans. C'est comme l'être humain, vraiment, il n'est pas capable d'acquérir de la conscience. Admettons, quelqu'un qui fait du mal, le seul moyen qu'il intègre de la conscience, c'est qu'il subisse aussi du mal par un autre comme lui après. Ça veut dire qu'on est dans de l'involution totale. Ça l'est, ça, l'involution, Ben, parce que si ça la tourne en personne rond, est ça. psychopathe et déconnectée des émotions des autres, puis a subi du mal d'autrui, peut-être qu'elle va s'ouvrir et devenir plus empathique. Sachant, ben non, comment tu veux donner de l'empathie à un psychopathe? Comment que, Ben, à elle, travers là, un choc. Saddam Hussein, il y a un de ses fils, c'était un psychopathe, lui, il aimait ça faire torturer du monde. Fait qu'est-ce qu'il faisait, Saddam Hussein? Il faisait torturer son fils. Penses-tu qu'il est devenu plus conscient? Non, il est devenu pire encore. Il est devenu pire encore, puis il était pire après. Ben, c'est sûr que s'il développe le syndrome de Stockholm puis s'identifie à l'agresseur pour Ah reproduire les non, un mêmes psychopathe, ça comportements. s'identifie pas. Il est Mais devenu pire encore parce qu'il est encore plus ouais. frustré, puis il est encore plus intolérant à frustration, puis il est encore plus sadique avec les autres. Tu peux pas faire du bien que du mal à ce point-là. Il y a de quoi qui marche pas, là. Ben, pas nécessairement. Je vais rectifier mon propos parce que c'est vrai que tu peux pas amener tout le monde à être empathique pour lui faire un changement Il y a loi à du monde, il n'y a 180 rien à degrés. faire. Hein? Oui, je suis Il y a d'accord des avec types toi. de personnes, il n'y a rien à faire. Exact. C'est des machines, c'est des animaux, c'est comme tu disais Ben, ton c'est humain. comme Bernard de Montréal qui parlait qu'il y avait des âmes qui devaient être détruites car elles étaient impossibles d'être corrigées. Ben oui, ils sont là pour engendrer l'expérimental pour les âmes, eux autres, qui ont une capacité d'intégrer et Puis d'évolution. d'évoluer, ouais. Mais dans le fond, c'est comme des insectes, un peu. C'est peut-être ça que le monde y appelle des portails organiques. Là. Si on peut dire. Mais moi, je les vois comme des automates. C'est un peu comme un des cas comme Ted Bundy. C'est pas une personne. Pour moi, c'est pas un être humain. C'est pas du monde, ça. C'est rien qu'une espèce d'animal impulsif. Bon, y a rien à faire avec quelqu'un de même. Y a rien, Ben rien, lui, je le rien, rien, connais pas, rien, rien c'est à qui faire. lui? Hein? Ted Bundy, c'est qui? Oh, tu sais, dans les années 70, il y a eu pas mal, surtout en Californie puis tout, mais lui, c'était un tueur en série complètement fou. OK. C'était un sadique. Vraiment malade, là. Un vrai malade. C'est dur d'imaginer pire que ça, mais il y a pire, puis il y a pire, puis il y a pire, puis il y a pire, puis il y a pire. Ben, lui, d'un cas de même, c'est pas réhabilitable, puis tu peux pas faire intégrer de la conscience. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il a regretté quand ils sont mis à y mettre de la ouate dans le derrière pour pas qu'il chie dessus sur la chaise électrique. Là, il s'est mis à pleurer. Mais ce monde-là, ils n'ont pas de conscience. C'est rien que parce que là, lui, il se faisait violer. L'autre, là, il réalise. Là, puis il a fallu le traîner à terre jusqu'à la chaise. C'est pas du monde, ça, là. Quelqu'un qui a le moindrement de la conscience puis qui est obligé de marcher vers sa mort, il va essayer de conserver sa dignité jusqu'à la fin. Il se traîne pas à terre comme un enfant de 2 ans. Non, non, ben il sera pas effondré là, comme ça. Mais c'est des enfants en même temps que c'est des animaux, mais c'est du monde, ils ont pas de... Tu sais, tu peux pas réhabiliter quelqu'un comme ça, c'est impossible. Il y a rien à faire, il y a Donc, rien à à faire. ce moment-là, la peine de mort, qui est utilisée entre autres par les Américains et qui est décriée par certains Canadiens, là, c'est légitimité dans le sens qu'il y a des gens qui sont pas réhabilitables. Et à ce moment-là, ben, la peine de mort peut être une nécessité. Ben, une nécessité. Il aurait pu l'enfermer jusqu'à sa mort, mais il sauve de prison. Mais c'est parce que les prisons sont bons. Mais regarde, il y a des pays où ce qui est la peine de mort, puis personne ne le sait. Personne ne s'en rend compte. Au Japon, il y a la peine de mort. Personne n'en parle. Il est pendu. Mais bon, mais moi, la peine de mort, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis pour qu'il y ait des individus, il faut les empêcher de nuire. C'est tout. Fait que bon, je m'en fous qu'est-ce qu'ils font avec. C'est juste qu'il faut les. C'est le devoir de du collectif de protéger l'individu de certains individus. Donc, au pire, bon, je sais pas, moi, ils font ce qu'ils veulent avec. Là, je ne peux pas me prononcer pour ou contre la peine de mort. Ce que je dis, c'est qu'il y a des individus qui sont totalement irréhabilitables. Il n'y a rien à faire. D'accord Puis, avec toi. ben oui, c'est ça. Ben oui, à un moment donné, ils vont me faire dire ça. Ils vont dire qu'il n'y a rien à faire avec vous. Je me l'ai déjà fait dire, ça. Ouais, mais moi, je fais pas de mal à personne. Je veux dire, j'ai même jamais eu une contravention. J'ai aucun dossier criminel, rien, là. Rien, rien, rien. Puis pourtant, c'est parce qu'il n'y a rien à faire avec moi. C'est pour ça que j'ai jamais rien fait de. Mais c'est comme l'autre extrême. Dans le sens que, bon, ben. Il y en a qui sont incorruptibles, puis ils n'ont rien à faire avec eux, puis il y en a qui sont enlisés dans la corruption, puis ils peuvent pas s'en sortir. Ouais, mais tu sais, au moins, s'il arrêtait de. Moi, c'est au niveau des conséquences par rapport les autres. Comme là, ils nous parlent, il y a de la violence dans les écoles. Ils sont partis là-dessus. Puis, sans s'en rendre compte, il y a de l'induction là-dedans. Ben oui. Parce que tu vas engendrer encore plus un climat violent puis malsain juste en le disant aux nouvelles. Ben oui, mais c'est pas consécutif aux dernières, à la gestion des dernières années puis de la façon dont on a traité les enfants. Cette violence-là vient d'où? Cet irrespect-là. Pourquoi les enfants, ils n'ont plus de respect pour les professeurs, ils n'ont plus de respect. Ben, c'est ça, ils peuvent être en réaction à des abus d'autorité qui ont eu cours dans le cadre des dernières années, là, ouais. Ben, ils sont pas respectés, les enfants. On les respecte pas. Donc, On pourquoi les. qu'ils respecteraient les adultes? Pourquoi ils se respecteraient entre eux autres? Exactement, fait qu'il un peu comme les gens qui ont le syndrome de Scotum, pardon, qui s'identifient à l'agresseur, puis ils deviennent finalement les bourreaux de demain. Ben, si tu veux pas être une victime dans une meute de loups, t'as pas le choix. Tu deviens un bourreau. T'as pas le choix. C'est des mécanismes de survie. Ouais, des Donc, mécanismes de ces défense enfants-là. psychologique, ouais. Donc, ces enfants-là sont en survie, là. C'est pour ça qu'ils sont violents. C'est pour ça que. Puis, ils ont rien à perdre quelque part. Fait que, étant donné qu'ils ne sont pas respectés, ils s'arrangent pour se faire respecter, mais de la façon qu'ils ont reçu comme éducation, c'est de la mauvaise éducation. C'est ça que ça fait. C'est ça que ça donne. Puis là, ils se filment. Ils se tapent dessus, puis ils se filment. Ben oui, mais. Encore là, c'est la mauvaise éducation. Comment ça se fait qu'ils ont droit au. Moi, être professeur, là, tu ne rentres pas une tablette, ni un téléphone, ni rien dans la classe, puis ça va être un tableau vert, puis des craies. Mais. Ben non, ils ont voulu faire des tableaux électroniques, puis là, après ça, les professeurs Charlois s'est rendu qu'il y a des dissertations par intelligence artificielle. Ben oui, mais c'est de la mauvaise éducation, c'est vous autres. C'est ça, le résultat, c'est le système qui engendre ça. Ouais, ben c'est le sabotement collectif qui est fait pour nous garder dans une médiocrité et qui est orchestré par certaines puissances occultes pour maintenir les gens dans l'astralité, l'ignorance, comme tu disais tantôt. Et à part nous autres et quelques individus qui en parlent sur le web, les gens dans les médias de masse, on présentera jamais cette perspective-là. On parle de la violence dans les écoles. La perspective qu'on a, c'est on est tout triste, pas beau, gna, gna, gna, mais on nous explique pas la mécanique qui est derrière ça, puis pourquoi on est venu à ce point-là. Ben, à un moment donné, j'avais ben gros rue, t'avais, je sais comment il s'appelle lui, je pense que c'est Jean-Marc Fallu, le motivateur qui faisait des conférences, là, il dit tout le temps Sacrifice, il est un monsieur comique, mais là, on le voit plus depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Puis il avait été reçu à l'émission qui était animée par l'avocat Gendron, la mère d'Huntington. Puis il avait dit. C'est normal que les jeunes dans ta ville, ils se comportent mal. Puis là, Gendron était là, comment ça? Ben, dis-moi, dans mon village, il y a des activités pour les jeunes, il y a un centre communautaire. Qu'est-ce qu'ils ont hein, dans ta ville, à toi ou tes mères, Huntington? Un couvre-feu. C'est la première affaire que t'as pensée. Puis je l'avais trouvé, j'avais dit, il n'y a pas tort. Ça veut dire, c'est correct qu'il y ait une certaine, un encadrement. Puis qu'il y a une certaine répression des choses, mais il faut pas qu'il y ait juste ça. Il faut que ça soit ajusté. Donc, bon. Ben oui, parce que les jeunes sont trop étouffés, ils vont se révolter contre l'autorité. Ben oui. Parce que si tu mets un couvre-feu, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas éduquer les jeunes à enfreindre ton couvre-feu de façon à ce que tu pourras rien faire. Ils vont sortir la nuit par la fenêtre de leur chambre, ils vont. C'est ça, ils vont mettre en place des mesures de contournement. Puis le paradoxe, c'est plus que la personne est étouffée et castrée par la société que des mesures strictes, rigides, plus que, à quelque part, t'en fais des futurs délinquants ou des gens révoltés ou des révolutionnaires. Ben oui. Puis finalement, c'est parce que justement. Il y en a qu'au niveau de l'action, s'ils vont s'arranger pour te garder tout le temps en réaction. C'est pour ça que, bon, tu me demandais, je suis quelqu'un de droite ou quoi, ouais, mais je suis pas un réactionnaire non plus. Dans le sens, je pense que le seul, la fois, je peux, on, t'sais, faut qu'il aille au bout. Mais en même temps, tu sais, j'ai l'impression que tu idéalises quand même à certains points le passé. Non. Ben non. Moi, dans le choix un moindre mal, je vais choisir le moindre mal. Non, mais dans le sens que, bon, on avait déjà eu des discussions, là, tu sais, par rapport à l'éducation, que les gens étaient mieux formés sur le plan scolaire autrefois qu'aujourd'hui. Ben, c'est vrai ou pas? Ben, c'est vrai jusqu'à un certain point. Pour la maîtrise de la langue, je suis d'accord avec toi. Dans le temps des OK. religieux ou le temps de mes parents ou grands-parents, ils savaient mieux écrire que les plus jeunes. Par contre, en termes d'endoctrinement religieux, que le petit catéchisme, c'était abominable. L'enfermement psychologique associé à la religion catholique, le manque d'ouverture sur le monde, en tout cas, c'était. Pourquoi être ouvert sur le monde? Ce que tu as besoin dans la vie, c'est avoir du chou dans ta soupe, puis des couvertures sous ton lit, puis on s'en calisse du monde. Ben, faut Moi, faire quelqu'un attention. qui a ça, là, il s'en fout du monde. Ben, il y a des limites. Tu sais, il faut faire attention parce que le manque d'ouverture amène de la xénophobie, du racisme, de L'ouverture à quoi, l'intolérance. David? À des mœurs qui viennent d'ailleurs, puis qui n'ont pas d'allure? Tu penses-tu que c'est mieux, là, des bonnes femmes qui ont le voyant que les yeux puis qui n'ont pas le droit de sortir de la maison? C'est de l'ouverture à des affaires de même? Ben, ça dépend. Il peut y avoir des apports créatifs interculturels. Comme quoi? C'est sûr que, par exemple, le Québec a. Ben, si on regarde. C'est sûr que c'est sujet à discussion, là. Puis on tombe dans du psychologique. C'est sûr que. Bon, si on ramène ça sur le plan vibratoire, je suis Yeah. d'accord avec toi. Tout qu'est-ce qu'on a besoin, là, c'est d'avoir, tu sais, tu as le droit d'avoir un terrain, tu as le droit d'avoir ta maison, tu as le droit d'élever tes enfants, tu as le droit de cultiver tes affaires, puis tu as le droit de manger à ta faim. C'est ça qui est important. On s'en fout-tu de l'ouverture sur le monde? Quelqu'un qui a ça, il s'en fout le reste. Il n'a plus besoin d'ouverture sur le monde, il ne regarde pas ailleurs. Mais ce que Bernard parlait, à savoir qu'on n'est pas intelligent tout seul. Ben non. Mais là, il y a moyen, t'es pas tout seul dans un village. T'es Ben, c'est pas tout parce seul dans que une ville. T'as une Marshall McLuhan famille. parlait du village global, c'est-à-dire la Terre. C'est toutes tes affaires, ça, que je suis totalement. C'est des hosties de folie, tant qu'à moi. Le village global. Je suis citoyen du monde. OK. C'est juste, t'as élargi l'illusion. Ben en même temps, comme disait Bernard, si tu bénéficies de l'intelligence des autres, ben tu peux bénéficier de l'intelligence de la personne qui est en Ukraine, qui est en Chine, un peu partout. Quoi, du monde qui barattent leur bord en brossant des cruches en terre cuite? Ben ça dépend quoi, là. Tu sais, je veux dire, on présentement, sans doute, tu vas avoir de la mépris pour la technologie qui vient autour de la Silicon Valley et autres, mais pourtant, on se parle à travers des outils technologiques. En même temps, on en a Gars, bénéficié là, parce que sans ça, on ne se parlerait pas. Je te l'ai déjà dit, ça, si on avait la possibilité de vivre ce que moi je considère normalement, mais là on peut plus. Si on avait cette possibilité-là, j'en aurais pas d'ordinateur, j'en aurais pas besoin. Ça m'intéresserait pas. J'ai ouvert une chaîne YouTube la première fois parce que je voulais dire que j'étais pas d'accord, parce que justement je consens pas. Mais si je pouvais, là, si je pouvais vivre d'une façon qui est plus simple un petit peu, puis qui est moins compliquée, puis ben là, ça serait pas intéressant. Mais je le sais qu'on va tout le temps m'imposer des affaires. Ils Donc, vont est tout le en temps, ils vont venir réaction m'imposer à ce des qu'on affaires. Si t'impose. Eric Kerr, il fait son identité numérique, là, je fais quoi, moi, là, si j'en veux pas? Fait que, non, va falloir, ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Ils ont choisi le terrain. C'est pas moi qui ai choisi le terrain. Mais jamais, jamais, jamais, jamais je vais céder. Jamais je vais plier. Il y en a qui ont été dire, ah, oh, ben, c'était correct, Trump, son opération Warp Speed, parce qu'on aurait été confinés 5 ans, puis finalement, on aurait tout cédé. Non, jamais. J'aime mieux mourir. Jamais. Ben, moi, c'est non, puis c'est un non totalitaire. Dans le sens que tu peux pas m'injecter de quoi si tu me dis pas ce qu'il y a dedans. Ça va tout le temps être non. Si j'ai le moindre soupçon que tu me mets ou que tu me caches quoi que ce soit, ça va être non. T'auras beau me confiner pendant 40 ans. Je m'en fous. Ça va être non pendant 40 ans. Puis je plierai jamais. Je plierai jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, ça marchera pas, là. Ça marchera pas. Puis je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, on est beaucoup. On est beaucoup. Fait que l'autre, s'il veut son affaire numérique, qu'on est obligé d'avoir un cellulaire pour fonctionner, il va manger de la marde. Parce que j'en achèterai jamais de cellulaire, j'en veux pas. J'en veux pas. C'est pareil pour le reste. Ils peuvent pas me forcer, c'est impossible. Parce que, je veux dire, là, c'est là où ce qui est de la programmation puis de la volonté, c'est pas pareil. C'est un petit peu plus fort. La volonté que la programmation qu'on veut t'imposer. On peut briser de la programmation avec de la volonté. Juste une vue, juste observer quelque chose, la structure se défait. Mais moi, je plierai jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai enduré j'ai enduré des affaires, ils n'ont pas idée. J'ai jamais plié. Fait que Donc, je plierai pas c'est pour sûr que ça. ça va être un dossier à suivre dans le sens, parce qu'on va sans doute se reparler au fil des mois, des années, pour voir où est-ce que tu vas en être dans quelques années, où la pression sociale va augmenter pour faire, du téléphone cellulaire un outil indispensable en société. Ben oui, mais la pression sociale, ils se sont essayés toute ma vie. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça n'a pas marché. J'ai même la pression sociale, franchement. Là. Ouais. Quelqu'un qui plie à cause de la pression sociale, il y a quelque chose qui marche pas. Ça a pas de bon sens. Je veux dire, c'est comme si demain matin, là, il faut se mettre un sapin de déodorant de taxi dans le cou. Parce que tu sais, même si 100% du monde le font, moi, je le ferais pas. Parce que ça a pas de bon sens. Faut que tu me démontres par l'argument que ça a du bon sens. Puis si t'es pas capable, ben, tu me feras pas plier. Il va falloir. Moi, la seule façon que j'agisse comme on veut, c'est si tu me forces, puis genre, si tu me forces, faut que ça va être technique, mécanique, genre m'éliminer. Tu peux pas faire autrement parce que je donne pas de valeur à ma vie. Mais tu Puis. donnes de la valeur à ta capacité d'être authentique, honnête dans ta conscience plutôt que Ben corruptible. là. Je donne la valeur à ce qui va au-delà de ma vie. Ma vie, ça, c'est un laps de temps. Mais mon âme, c'est pas un laps de temps d'incarnation. C'est un clignement d'œil, une vie. Le reste, là, c'est long en. Hey, l'éternité, c'est long en tabarnak. Fait que je plierai jamais. Je peux pas. Tu sais, je veux dire, ça en vaudrait pas la chandelle. Donc, bon. Mais Ben, eux autres, ça va être intéressant de t'écouter dans les prochains mois, les prochaines années, parce qu'avec l'agenda du Grand Reset d'ici 2030, on va chercher à faire plier les individus, l'agenda technologique, transhumain, qui vise à amener tous les gens à être des individus qui sont tous reliés en réseau cybernétique, où chaque interaction, chaque achat est traçable. Ben oui. Puis, jusqu'à un certain point, bon, je veux dire, si je décide que je m'organise avec d'autres, puis que, bon, il y a moyen de l'éviter, là, le numérique. Mais là, ça dépend du monde. C'est les gens qui vont l'éviter, le numérique. C'est les gens, c'est la population qui va faire que ça marchera pas, là, Éric Kerr. Puis, c'est vraiment on a affaire à des imbéciles. C'est des idiots. Pas dans le sens au niveau clinique, comme du crétinisme, des choses de même, mais c'est des lobbyistes. Puis, c'est pas dans notre intérêt. Donc, bon. Mais eux autres nous présentent ça comme dans notre intérêt. Donc, le ministre Ben, c'est Éric sûr. Kerr se présente comme étant le responsable du ministère de la cybersécurité. Donc, au nom de la sécurité qu'on veut nous vendre, c'est drôle parce qu'on nous amène dans le cyberespace où c'est là qu'on peut se faire arnaquer par des fraudes, des vols d'identité ou autres. Qu'est-ce que tu trouves le pire finalement, ces idées-là puis ces affaires-là qu'on va nous imposer ou le petit catéchisme? Non, je suis d'accord avec toi que le moindre mal, c'est le petit catéchisme, bien que c'est une Ben là, forme d'endoctrinement. c'est tout, rien que ça de toute façon, tout. C'est ça, mais je voulais finir sur Éric Kerr en disant qu'à quelque part, si tu regardes ça, le paradoxe, c'est depuis des années, on te dit allez sur Internet, faire vos transactions, etc. Puis à mesure que du monde, ah, il y a des vols d'identité. Fait qu'il va falloir faire le ministère de la cybersécurité alors que c'est les mêmes qui nous convie d'aller sur le terrain du cyberespace, puis qu'une fois qu'on Ben est là, oui. ah ben vous pouvez être victime d'attaque, fait que finalement, il faut vous plier à des mesures de contrôle, puis on va mettre en place l'identité numérique pour sécuriser le tout. Leur façon de régler les problèmes, c'est d'amener plus de problèmes, puis plus de problèmes, puis tout le temps plus Ben de c'est le problèmes. paradoxe, c'est ça. Problème, Donc là, réaction, solution. faut que les gens soient dans une sorte de distorsion cognitive, là. Mais moi, je suis content d'être à ma place. Je suis fier de moi. Pourtant, j'ai pas d'amour propre, dans le sens que je suis pas divisé, donc je peux pas m'aimer moi-même. Mais ces gens-là, ils vont être tellement haïs, puis sont tellement dans la merde, puis sont tellement idiots qu'ils s'en rendent pas compte. Sont tous en danger, ils se mettent en danger. Il va falloir qu'ils augmentent leur sécurité à eux autres. Parce que ce qu'ils font, c'est ils auront pas le choix de rendre du monde fou. Puis ces gens fous-là, il y en a qui vont avoir l'intuition de savoir d'où ça vient. Fait que là, moi, je paranoïerais, là, être à leur place. D'ailleurs, Legault, quand il va faire un discours dans une chambre de commerce ou des affaires de même, ils font venir des chiens la veille, puis ils fouillent partout. Les gens dans la cuisine sont surveillés. Ça veut dire qu'ils s'en doutent un peu. Bien, ça va empirer, ça va empirer, puis ça va empirer. Ces gens-là regardent la surmortalité qu'on a. C'est pire quand qu'il y avait c'est eux autres qui engendraient ça par leur gestion de débile, tous les suicides. Puis, on avait parlé d'avance, je l'avais dit, je dis, il va y avoir plein de faillites, il va y avoir plein de drames familiaux. Là, c'est rendu des enfants de 8-9 ans qui font des tentatives de suicide. C'est tous eux autres, ça. Ils sont responsables de ça. J'espère pour eux autres que ça n'existe pas, le karma. Exactement dans le sens qu'on l'entend depuis tantôt, là. Parce que c'est un des pires pour des dans les pires pourritures de l'histoire de l'humanité, ce monde-là. Puis je n'ai pas honte de le dire. Pas en tout. Au contraire, ce qui serait une honte, c'est de ne pas le dire. Donc, ce genre-là, là, François Legault, Christian Dubé, c'est pire que Ted Bundy. Ted Bundy, c'est quoi, une trente quelques victimes? Eux autres, c'est combien de centaines de milliers de victimes, là? C'est monstrueux, monstrueux. Puis on nous met à la TV du monde qui cautionne ça, puis ils n'ont pas honte de rien. Ils sont de plus en plus décomplexés. Puis là, c'est rendu, là, les artistes viennent nous faire la promotion de la drogue, la promotion des mœurs qui n'ont pas de bon sens. Ben, c'est l'agenda de la décadence que tu Ouais. dénonces au fil, entre autres, de tes enregistrements, là. Ben, c'est voulu parce que la guerre, dans le fond, Si on considère la ressource humaine comme de la ressource, donc l'État puis certaines structures tombent en compétition avec la famille au niveau de la gestion des individus. Donc, il y a des artistes puis des influenceurs, ce qu'ils appellent des influenceurs, qui sont mandatés pour détourner l'individu. Puis, c'est de l'attaque contre les familles. Comme là, tu as vu l'espèce de transgenre qui faisait du patinage artistique puis qui se ramassait sur les genoux. Puis... Je sais pas si tu as vu ça, Non. là. En tout cas, c'était une place, une compétition de patinage artistique. Puis là, il y avait un moment où ce des gens pouvaient réaliser leur rêve d'aller patiner là, devant les caméras, devant tout le monde. Puis au lieu de donner le temps pour une petite fille, ben, c'était un bonhomme de 57 ans, déguisé en femme, qui est allé se péter à terre, pas capable de patiner, puis il est allé se péter les genoux. Mais une vraie honte. Je pense que c'est en Suède, c'est arrivé. Mais là, ça me surprend pas, là, les pays scandinaves, là. Mais ça a sans Mais. doute été interprété comme étant la fierté du mouvement woke. Ben là, je veux dire, ça a fait le tour de la planète, tout le monde rit. Tout le monde rit de lui, s'est humilié devant toute la planète, là. Ça, c'est une attaque contre les femmes, contre les hommes, contre les enfants, contre la famille, contre la civilisation. Puis contre ce gars-là, qui est un idiot utile, qui n'a aucun respect pour lui. Dans le fond, quand t'aimes quelqu'un, tu le laisses pas s'humilier devant toute la planète. Il était même pas capable de se relever. C'est une patineuse qui était obligée Peut-être que d'aller l'aider. surévaluer sa capacité à faire du patinage. Ils l'ont choisi parce que c'était un tata. C'est voulu, là, c'est tout pensé. Ben c'est Si comme s'il avait Joe été. Biden, qui est presque sénile, qui est président des Ben, États-Unis. c'est une façon de tourner le fer dans la plaie du monde. C'est une façon d'humilier la population. De nous imposer ça. T'sais, non seulement on contrôle tout, puis c'est tout un simulacre, mais on va te le confirmer puis te le rappeler à répétition. C'est comme je te disais, comme quand le mafieux il fait tuer un bonhomme, puis finalement c'est le mafieux qui a ordonné son meurtre, qui fait son éloge funèbre, puis qui dit « Je vais bien m'occuper de la veuve puis des enfants. » C'est une façon de montrer « C'est nous autres qui mènent, Ben puis vous êtes oui, à puis rien. les Américains vont bien s'occuper de l'Ukraine pour les aider. » Alors ça, j'ai confiance, et le pays va être totalement détruit, il ne restera pas une pierre une sur l'autre. Je suis sûr. Je suis sûr qu'à Kiev, ça va être totalement détruit. Puis les Américains, après, ils vont envoyer leur compagnie pour avoir les contrats pour reconstruire. Ben, on avait vu qu'est-ce qui s'était passé en Irak, c'est-à-dire que dans un premier temps, ils ont bombardé l'Irak. Donc, il envoie des missiles qui détruisent des ponts, des infrastructures. Puis après, une fois que c'est à terre, puis ils prennent le contrôle du pays, ils vont amener leur compagnie de construction reconstruire l'Irak. Donc, la Ben personne qui oui. est actionnaire pour les compagnies d'armement et de construction, elle s'enrichit. Donc, elle participe à la destruction puis à la reconstruction. Fait que, tu sais, puis ça, tout au dos des gens qui s'endettent, donc des contribuables. T'sais, ça soit les contribuables irakiens qui s'endettent ou américains qui ont financé la guerre, ben le public paye les dettes, puis pendant ce temps-là, le privé s'enrichit. Puis si la personne est actionnaire pour la destruction et la construction, ben elle devient riche à tout coup. Ben là, en plus, c'est les Américains qui avaient mis Saddam Hussein. C'est par la CIA qu'ils ont eu le parti Baas. Pis... Il a monté en puissance. Ben là, fait que là, finalement, je veux dire, ça me fait penser à l'Irakite de protection. Et ils vont venir t'offrir de la protection après avoir lancé des briques dans tes vitrines. C'est ça, les Américains. Problème, réaction, solution que je te parlais tantôt. Ben oui. Ben, c'est comme le Maharaja pis son tigre. Quand il est impopulaire, il relâche son tigre. Là, le monde, ah, puis là, il fait recapturer le tigre. Puis là, vive le Maharaja. Mais finalement, il y a combien d'enfants qui se sont fait manger par le tigre? Puis personne ne se doute que c'est tout le temps le même tigre. Il est dompté pour ça. C'est ça, les armées, c'est ça, les firmes, c'est ça, les. Finalement. Il y a le complexe militaro-industriel, oui, mais tu as le pharmaco-chimique, puis finalement, c'est tout lié ensemble. Là, après, le monde, ils apprennent que la compagnie, la cimenterie Lafarge engageait des terroristes d'Al-Qaïda, puis d'Al-Nostra, puis comme mercenaires, puis ben oui, mais c'est sûr. Qui finançait Al-Qaïda? Qui finançait Al-Nostra? C'est le terrorisme islamique, c'est l'Occident qui l'a créé. Comme dernièrement, ils ont passé le film de Steven Spielberg, là, Munich, où ce qu'on fait tout pour nous humaniser le Mossad. Ben là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il nous passe ça à la TV, il s'en vient des affaires. Il s'en vient des affaires. Puis finalement, ben, pas long, là, la marde est reprise à Jérusalem. Puis là, il y a quoi, l'Azerbaïdjan qui a envoyé des attaques contre. Je veux dire, ça. Tu sais, je veux dire, il y en a qui disent, oh, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Comment ça, il y aura pas, on est dedans? Moi, depuis que j'avais fait ma vidéo qui était, ça y sonnait, qui était minuit, je considère qu'on est dedans. Moi, j'ai attendu d'être sûr, sûr, sûr. Mais là, à un moment donné, il y a des affaires qui ne trompent pas. Donc, on verra. Là, les Chinois, eux autres, ils attendent. Mais bon, eux autres, ça fait partie de la même affaire. Ça fait Ben, eux partie autres, de la. ils ont tout intérêt à attendre, c'est-à-dire ils vont laisser les gens s'entre-déchirer en Europe, s'appauvrir, fait que quand ils vont être à terre, ben ils vont avoir le beau jeu pour occuper la place. Ben pourquoi ils sont complices puis qu'ils participent au spectacle? C'est parce qu'ils ont avantage. Ben Tout le oui. monde va être. Tout le monde va avoir sa part. Ça fait penser les vieilles caricatures dans le temps au 19e siècle, quand on montrait dans le temps de l'impératrice d'Autriche, puis de la reine Victoria, puis que on voyait les dirigeants du monde qui séparaient l'Europe comme un gâteau. C'est un peu comme si on regarde des histoires de pays comme la Pologne ou l'Ukraine, ils vont tout le temps payer pour. Sont méprisés. Sont méprisés. Les Européens, ils respectent pas les Slaves. Puis, je veux dire en général. Puis, c'est comme des cultures comme les Européens musulmans, comme justement l'Azerbaïdjan, puis tout, sont vus comme de la merde par les autres. De la même façon que tout le monde au Moyen-Orient dit, oh, les Palestiniens, blablabla, puis il n'y a personne qui veut les avoir, puis ils méprisent. Puis, dès que les Palestiniens, ils vont dans d'autres pays, ils sont traités comme. Les Palestiniens au Liban, c'est pas drôle, là, comment ils sont traités. Puis. Bon, ben finalement, c'est toute de l'hypocrisie. Fait que, bon, il reste quoi, là, pour unir les peuples, là? Ben, comme disait dans le fond le politicien de série B dans le fond Reagan là, c'est-à-dire que s'il y avait une menace extraterrestre, à ce moment-là tous les peuples devraient se rallier pour faire face à la menace et passer par-dessus des divergences idéologiques comme les Américains et les Russes pourraient à ce moment-là surmonter les différentes idéologies pour s'unir tous contre une menace commune qui pourrait provenir de l'espace. Ronald Reagan Ouais. avait déclaré ça dans les années 1980. Moi, je pense que c'est très brillant dans le sens que ben, le gouvernement mondial puis ces affaires-là, c'est une menace commune qui Oui. pourrait unir tous les peuples. Puis probablement, c'est vers ça que ça va aller. Mais là, à ce moment-là, ils risquent de couper les. Des chaînes On verra. YouTube de certains particuliers. On verra. Je veux dire, moi, tout ce que je souhaite, c'est un niveau de vie qui est pas si pire dans une société qui est pas si pire. C'est pas normal qu'on vive à une époque que des enfants de 7-8 ans se sont retrouvés pendus, qui se pendent. Exactement. Mais c'est la fabrication sociale d'une société décadente et animée par des valeurs de mort. Ah oui, ben là, ils gèrent la vie par la mort. Comme là, ça va arriver, là, ça va passer, là, ça va être l'aide à mourir pour les troubles psychologiques. Fait qu'à cette heure, avant, t'allais voir un psychiatre, tu disais, j'ai des pensées suicidaires, puis oh, on va vous aider. Puis là, ça va être, OK, ben pas de trouble, nous autres, on offre ça, là. Oui, au Canada, on se dirige vers ça. Il y a des pourparlers là, par rapport à ça. Donc, on en avait déjà parlé, puis je pense que tu avais eu une conscience assez visionnaire par rapport à l'élargissement de la notion. Moi, je le voyais comme l'évidence même, comme quand je t'ai dit, ils vont légaliser, ils vont finir par légaliser toutes les drogues. Je l'avais dit il y a 5 ans. Là, ça commence, là. Oui, on se dirige vers ça. Fait que c'est sûr que si tu es capable de voir avec une certaine anticipation les choses, ben à ce moment-là, ça devient intéressant justement d'être capable de se préparer, là, si on peut dire, là, pour voir au lieu de subir, là. Ouais. En tout cas, moi, je veux vraiment devoir y aller. Exactement. Donc, écoute, c'est ce qui donc va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui où on a parlé pendant un peu plus là, de 3h44, 3h44 Ouais. minutes que j'ai de mon côté. Donc, écoute, je te remercie là, pour le temps que tu as consacré à cet entretien. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent que si vous voulez entendre davantage Berthold, c'est possible. Vous avez de nombreuses entrevues que j'ai faites avec lui là d'un peu plus d'il y a déjà plusieurs années là depuis 2017. Et les gens peuvent aller aussi là si ont envie d'interagir avec toi là sur ta chaîne YouTube dont je mets naturellement les coordonnées là en bas de l'enregistrement présent. Donc entre autres. Pour les gens qui veulent te poser des questions, là, ils peuvent, dans le fond, interagir en bas de tes vidéos ou en direct, là, quand tu en fais, entre autres, le samedi, souvent, là. Donc, je Bon, mentionne ben. ça aux gens. Puis, de mon côté, en terminant, bien, je rappelle que si vous avez apprécié mes activités de diffusion web, dont cet enregistrement, qui vous présente une perspective différente des médias de masse, que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière en support à mes activités de diffusion sur Internet via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac, dont vous avez les informations en bas de l'enregistrement présent. Et je remercie tout le monde là, pour votre écoute et vous souhaite une belle fin de soirée ou de matinée, là, tout dépendant à quel moment vous allez écouter l'enregistrement. Et à bientôt, Berthold. À bientôt. Bye. Bye.